Vous ouvrez cette porte avec la clé de l'imagination. Au-delà, c'est une autre dimension. Une dimension sonore. Une dimension visuelle. Une dimension de l'esprit. Vous pénétrez dans le domaine de l'ombre et de la matière, des objets et des idées. Vous venez d'entrer dans la quatrième dimension. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la 7ème dimension, le podcast qui explore toutes les dimensions du cinéma. Je suis toujours Corentin et je suis évidemment avec Melvin. Melvin, comment vas-tu ? Ça va, et toi ? Bah ça va, on a vu, du coup on a fini l'intégrale de Mark Webb, on va en parler. Pour toi Mark Webb, qui c'était avant le podcast éventuellement, comment ça s'est passé de ce corpus ? Alors Mark Webb, c'était Spider-Man. C'était surtout ça. Genre, je le connaissais pas spécialement avant. Et même si je connaissais ses films, genre 500 jours ensemble ou Marie, j'ai pas jamais fait le rapprochement, quoi. Et j'ai fait que plus tard. Et effectivement, maintenant que je le sais, mais ses films sont plutôt connus, à part le dernier, dont on parlera. Mais c'est un réalisateur qui a réussi à faire ses marques dans son genre, quoi. Et toi, au global, ça s'est quand même bien passé de voir tous les films, ou ça a été un peu compliqué ? Non, plutôt vraiment bien passé. Comparé au reste des épisodes, franchement, ça va. Oui, c'est clair, si on compare à Sonnenfeld. Voilà. Moi, ce qui me concerne, ça a été... Bah, je vais pas dire j'en attendais beaucoup, mais... Ouais, comme toi, c'était vraiment Spider-Man, je le connaissais vraiment que pour ça. Mais je voulais... c'était un truc... Genre, j'avais vu 500 jours ensemble, il me semble, à la télé ou autre, mais il y a de ça quand même un petit bout de temps. J'avais jamais vu Mary, et je n'avais jamais vu le dernier, donc The Only Living Boy in New York, donc Liaison à New York en français. Et moi, ça a été un peu plus tactique que toi, on va dire. C'est-à-dire que bah, je m'attendais à rien, et... Ouais, bah ça a été, on va dire que ça a été un épisode en escalier, on va dire ça comme ça. Est-ce que tu veux commencer par nous présenter le personnage ? Alors, Mark Webb, qui est né le 31 août 1974, il est américain, pour changer. Et bonjour. Il a fait quelques écoles dans l'audiovisuel, mais c'est jamais très passionné. Du coup, il se tourne vers le montage assez vite. Et notamment vers le clip vidéo, où il commence en 96 avec un genre de documentaire musical, Hype, et son premier clip, selon ses dires, les Shame Idols en 98 pour My Star. Et après, bon, il va enchaîner pas mal de clips avant ce premier film, dont je te laisse en parler. Bah, sur les clips, ça a été vraiment un gros clipper dans les années... Bah, il a démarré, donc tu as dit en 98, mais le premier clip officiel en tout cas qu'on a de lui, c'est celui de Santana qui date de 2000, donc Nothing at All. Mais bah, il a quand même clippé, il a fait pas mal de My Chemical Romance, il a fait du Maroon 5, il a fait du Green Day. C'est quand même... Est-ce que c'est des bons clips ? Je sais pas, on va dire que je trouve... J'y vois pas forcément de grosses personnalités. Enfin, je sais que dans les clips qu'on a surtout retenu, il y avait celui de Maroon 5, donc Good Night, Good Night, où on y voit vraiment... On peut y voir un écho avec une des scènes phares de 500 jours ensemble, on en parlera plus tard, mais déjà dans Maroon 5, il y a cette idée du split screen before, after, enfin donc avant, après, autour d'une relation. Après, il avait fait celui de Green Day, 21 Guns, qui, moi, est une musique que j'aime bien, mais le clip n'est pas quelque chose que je juge absolument incroyable. Toi, t'as vu quelques clips, t'en retires des choses ou pas particulièrement ? Et on verra plus tard, mais je trouve qu'il a une manière de filmer Mark Webb qui est de loin, on pourrait dire que c'est pas c'est assez lambda, mais en fait je trouve ça toujours très fluide, et je trouve que ça se ressent dans ses clips. C'est jamais les scènes sont assez longues dans ses films, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est jamais coupé, y a pas beaucoup de queue, ça. T'as une caméra très mobile. Voilà, et dans ses clips, pour voir que ça dure 3 minutes, ben il arrive à faire quelque chose de lisible tout le temps par rapport à d'autres clips. Bah, ça, j'ai trouvé qu'on le voyait surtout sur le clip de Zayn, donc son dernier en date, donc Dusk Till Dawn, qui, pour le coup, je suis pas fan de la musique, mais dans le clip, t'as vraiment ce côté très mobile, mouvement, et pas, je dirais pas lisible, mais je pense que t'as employé fluide. C'est une espèce de naturel qu'on peut voir Voilà, dans c'est sa ça. caméra. Après, en termes de clipper, c'est un gros clipper, mais moi personnellement, des clips que j'ai vus, j'en ai pas forcément retiré énormément, énormément de choses. Mais je peux pas en dire autant de son premier film. Est-ce que on s'y attaque ou t'as d'autres choses à dire? Non, on peut y aller. Et donc, bah, sa filmographie à proprement parler commence en 2009 avec 500 jours ensemble. Je suis fan des Smiths. Pardon? J'ai dit, je suis fan des Smiths. To die by your side is such a heavenly way to die. Je les aime. J'ai pas réussi. J'aime son sourire. J'aime ses cheveux. Et j'aime me sentir bien avec elle. C'est comme si tout était possible. Je crois que c'est officiel. Je suis amoureux de Summer. C'est fini. Quoi? Summer et moi. Je crois qu'il faudrait plus se voir tous les deux. Là, comme ça. Là, comme ça. Elle a dit pourquoi? Raconte depuis le début. Dis-moi ce qui s'est passé. Summer, c'est ça? Oui. Le fan des Smiths. Ouais, top. On parlait de moi dans ces termes à la fac. On m'avait surnommé Hansen, l'adapté mental. Et moi, j'étais bloquée au stade anal. Au sens freudien du terme, j'ai été une névrosée de la propreté. Alors, je fais quoi? Pose-lui la question. Vendredi soir, karaoké à volonté au 1000. Non. Tous les gens de la boîte vont au karaoké. L'amour n'est rien d'autre qu'un fantasme. Ouais, je crois que t'as tort. T'as passé un bon week-end? Trop cool. Elle a dit « trop cool », en insistant bien sur « cool ». Donc en gros, elle dit qu'elle a passé tout le week-end au pieu avec un mec de sa salle de gym. Quand elle t'a salué, elle a dit « salut » ou elle a dit « bonjour » Parce que si elle a dit « salut », c'est forcément une lesbienne. Salut. Salut. Je t'aime beaucoup, Tom, mais je... Tom, parfois, t'es toujours mon meilleur ami. Je veux pas m'en remettre. Je vais la récupérer. Donc 500 jours ensemble ou 500 Days of Summer en VO, et je pense que j'emploierai le titre VO. Je trouve le titre, VO beaucoup plus approprié. J'expliquerai pourquoi. C'est donc une comédie romantique, donc sortie en 2009, comme je l'ai dit, d'une durée de 95 minutes avec un budget de 7,5 millions de dollars. C'est un film indépendant. Faut savoir qu'il a une réception critique extrêmement positive. Beaucoup le mettent dans leurs 10 meilleurs films de 2009. Et 2009, c'était quand même plutôt balèze. On avait quand même Inglourious Basterds, Là-haut, Watchmen, District 9, Harry Potter 3, Avatar. Donc on avait quand même des, ben surtout Avatar, on avait quand même des gros blockbusters en face. En recette mondiale, c'est estimé à 60,8 millions de dollars, dont 32,3 rien que sur le territoire américain. Ce qui est un succès complètement surprise pour un film indé. Et en plus, il y a eu deux nominations au Golden Globe pour meilleur film, comédie ou musical, et meilleur acteur. Au scénario, on a Scott Neustadter, je ne sais pas trop comment on le dit, et Michael H. Weber, qui ont fait The Disaster Artist. Je ne sais pas si tu avais pu le voir avec James Franco. Alors, je connais, mais je ne l'ai pas vu. C'est pas mal, mais ils ont aussi écrit Nos étoiles contraires. Donc, non. Tom et Jerry aussi. Ah bah écoute, à la musique, on a Michael Dana qui a fait l'Odyssée de Pi et Little Miss Sunshine, et aussi Rob Simonsen qu'on retrouvera sur Marie et Liaison à New York, et qui a également fait Captive State. Dommage, parce que la musique est pourrie. Non, je trouve la musique composée pour le film est nulle. Je reviendrai sur la bande originale plus tard. Ouais. À la photo, on a Eric Stilberg, qu'on avait déjà vu parce qu'il avait fait Ghostbusters 4. Mais tu verras qu'il y a plein de trucs qu'on aura déjà vu dans cet épisode. C'est oui, il y a pas mal de trucs de recoupement. Ouais. Au casting, on a donc Joseph Gordon-Levitt, qui est un acteur que moi j'aime énormément, qu'on avait vu dans Inception, The Dark Knight Rises, Snowden ou Mysterious Skin de Greg Araki, qui est un film que je vénère. Ou dans The Walk, si vous voulez entendre son accent français un peu nul. C'est pas le truc de Zemeckis, ça? Si. Je ne l'ai pas vu. Il est bien ou Alors, si tu passes sur l'accent français de Joseph Gordon-Levitt, ouais, c'est vraiment. Moi, j'aime bien. C'est impressionnant. Bah écoute, tu sais que tu me donnes envie de le voir juste pour voir son accent français. Il joue Philippe Petit et il a un accent français terrible. Bah écoute, je pense que je me regarderai ça. Et pour ce qui est de l'histoire, alors je suis très très nul pour les histoires, mais je me suis dit que j'allais essayer de l'écrire moi-même, on va dire. Donc c'est l'histoire de Tom, un jeune romantique passionné d'architecture, travaillant dans une entreprise de cartes de vœux, et de Summer, jeune fille extravertie qui ne croit pas en l'amour. Le film suit de manière non chronologique l'évolution de leur relation, les hauts, les bas, et comme prévient la voix off en ouverture du film, c'est l'histoire d'un garçon qui rencontre une fille, mais ce n'est pas une histoire d'amour. Déjà, est-ce que mon résumé est bon? C'est parfait. Voilà, tu es halluciné par hasard. Là, non, tu pourrais alors, l'écrire, ça serait parfait. C'est insultant. pour quelques anecdotes, donc Scott, le scénariste, je ne vais pas répéter son nom, a admis que l'histoire était basée sur une histoire vécue alors qu'il sortait d'une rupture difficile et qu'il s'est terminé de façon extrêmement dure, selon ses dires. Ça se voit. Mark Webb, donc ça, il le dit dans le making-of. Mark Webb, il a voulu faire quelque chose d'honnête, c'est-à-dire qu'il dit qu'il voulait pas de cynisme ou pas de sentimentalisme. J'ai dit texto, il dit c'est pas un gros film qui va parler de guerre ou de pauvreté, c'est juste 500 jours dans la vie sentimentale d'un jeune homme lambda. Il voulait faire un film qui arrive à traduire l'émotion qu'on peut ressortir lorsqu'on a le cœur brisé. Et il décrit Summer, et sur Summer j'ai pas mal de choses à dire, il décrit Summer comme la mise en scène de la vision de Tom, qu'il la voit comme quelqu'un de parfait, ce qu'elle ne peut pas être. L'architecture a été conçue comme un personnage à part entière du film. Pourquoi pas? J'avoue que c'est trop de mettre des objets ou des lieux en personnage, c'est pas quelque chose qui me parle beaucoup, mais là ça peut se défendre. Tu vois l'endroit du banc où Tom et Summer vont passer du temps pendant pas mal de temps pendant le film? Oui. Bah, faut voir cet endroit. Comment? Le dessin des jours qui passent, c'est pas le même endroit? Si, bah cet endroit-là. Et bah cet endroit-là a eu un énorme boom touristique après le film, si bien qu'il a dû être fermé. ça m'a fait sourire. Mark Webb a insisté pour que Summer soit le seul personnage à porter du bleu, ce qui est la couleur des yeux de Deschanel. C'est une règle qui est brisée uniquement lors de la scène de danse de Tom, qui est fait pour montrer que tout le monde que voit Tom n'est qu'une réflexion de Summer. On y reviendra. Pour le marketing du film, les deux acteurs ont joué dans le court cinéma Sid and Nancy, qui reprend des personnages du film Sid and Nancy avec Gary Oldman, qui est sorti en 86. Je t'avais envoyé le court. Ouais. Et il y a également une autre vidéo faite autour du film, qui est The Bank Heist, qui est une vidéo créée par Webb pour accompagner le film. La musique qu'on entend dans le court, enfin dans ce petit court-métrage, ça s'appelle Why Do You Let Me Stay Here, pardon, qui est composée par She and Him, qui est le groupe dans lequel joue Zooey Deschanel. En fait, Webb, il a fait ça parce que Deschanel n'était pas dans la scène de danse de 500 jours ensemble. Elle était super triste. Et du coup, il s'est dit qu'il devait corriger ça. Et quel homme, bon. Un gars sympa. Et pour terminer, le film a été présenté à Sundance et a reçu une standing ovation absolument énorme. C'est-à-dire, j'ai pu retrouver un enregistrement globalement de ça. Et ça restait assez dingue. Et donc, Melvin, pour toi, 500 jours ensemble, comment ça s'est passé? Pourquoi, comment, où ça? Dis-nous tout. Alors, c'est un film que je voyais tourner sur les réseaux, tout ça, plein de fois. Je ne sais jamais ça m'a tenté, parce que les comédies romantiques, c'est vraiment pas. C'est un truc que j'ai jamais été fan. Mais en fait, c'est parce que t'as pas tu dis ça parce que tu n'as pas de cœur. Oui, voilà, c'est effectivement pour ça. Tu m'as percé à jour. Et j'ai découvert que j'en avais un petit, tu vois, mais vraiment petit. Hein. Non, en fait, j'y allais pas reculons, j'y allais sans grande envie, on va dire, mais j'avais quand même envie de le découvrir. Après, j'ai eu que des bons retours. Et non, très belle surprise pour le coup. C'est vraie découverte en plus. Et non, le film, j'étais porté par le film du début à la fin. Et donc, vraiment, très belle surprise. Il y a des défauts par-ci, par-là. Mais le rythme est constant. Il se passe toujours quelque chose. Il y a un montage que je trouve, pour le coup, incroyable. Sans parler du fait que ça ne soit pas un film linéaire. Il y a des trucs qui reviennent tout le temps. Enfin, c'est. Pour le coup, je trouve ça vraiment bien fait. Et l'aspect comédie romantique ne m'a pas dérangé pour le coup. À part que j'aime pas Summer. Mais je pense que c'est un peu fait exprès. Oh non. Oh non. Je supporte pas Summer. Mais non. Ah si. Ah, tu me fais mal, là. Ah, je préfère la sœur de Joseph Gordon-Levitt, qui fait beaucoup plus rire, déjà. Mais... Dans ce premier rôle. Oui, avec Chloé Grace Moretz, c'était avant Kick-Ass. C'était avant Kick-Ass, oui, puisque c'est en 2009. Mais, et toi qui aimes les films un peu playlist, pour ce qui est de la BO du film, c'est-à-dire on a quand même les Smiths, Simon Garfunkel, Carla Bruni. Pourquoi pas ? Et ça, quand même. Non, la BO, en fait, je me suis renseigné, en fait, c'est que vraiment, on l'avait dit, c'était quand même fait un beau nom dans le clip. Donc, il s'était composé surtout grâce au fait d'être des images très colorées qu'il arrive à faire ou aux effets spéciaux qu'on peut voir dans les clips. Et c'est grâce à ça qu'il s'était fait un petit nom dans le nom de la musique. Et c'est pour ça qu'il a pu avoir énormément de morceaux dans la BO. Parce qu'il a pu avoir les droits, je suppose, pour pas trop cher ou autre. Et comme ça, on se retrouve avec une BO très, très éclectique, on va dire. Pourquoi t'aimes pas Summer ? Juste pour la BO, je comprends très bien. Pour le coup, comme tu dis, moi qui aime les films playlist, là ça marche vraiment bien. Et si on verra dans les autres films, c'est pareil. Mais non, pour le coup, il sait utiliser la musique, quoi. On sent qu'il a quand même de l'expérience là-dedans. Bah, c'est pas une phrase que j'aime beaucoup dire, mais je trouve que vraiment la musique joue un rôle dans la narration. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que les personnages vont se rencontrer ? Parce que les deux sont fans des Smiths. Une des scènes entre guillemets clé a lieu dans un karaoké. Deux de mes scènes préférées du film, et qui je pense sont des scènes qui marquent vraiment des tournants narratifs, sont construites autour d'une musique. Je pense à la scène où, avec la musique de Carla Bruni, ou à la fameuse scène de la fête. Et je pense vraiment que, d'autant plus pour un clipper, il a voulu placer au centre de son récit la musique et l'entité musicale, on va dire, qui entoure les deux personnages. Mais après, si je peux enchaîner, non, tu sais quoi, avant de donner mon avis, j'aimerais juste comprendre pourquoi est-ce que toi tu n'aimes pas Summer. Vraiment, ça me... En fait, c'est pas que je l'aime pas, c'est que je m'attache pas à elle. Et en fait, c'est le souci que j'ai avec beaucoup de films, et je vais prendre le même exemple que je prends chaque fois avec la série Le Jeu de la Dame. Le Jeu de la Dame, j'ai jamais réussi à finir la série parce que je ne m'attache pas au perso principal et je ne l'aime pas. Du coup, je n'arrive pas à suivre. Dans ce film, c'est un peu le même syndrome, c'est que Summer, en fait, je n'arrive pas à m'attacher à elle parce que je n'aime pas sa manière de penser. En fait, je suis plus comme Tom, moi. Je suis complètement comme Tom. Oui, mais... pas du tout comme Summer. Du coup, je ne m'attache pas à elle et en fait, ça ne me motive pas à voir la suite. Je veux dire. Oui, je vois, mais je pense que d'autant plus grâce à, j'ai eu ça en voyant le making of. Moi, Summer, déjà de base, j'avoue que j'aimais bien ce côté très extraverti, très pétillante, on va dire. Ouais, d'autant plus qu'elle est jouée par Zooey Deschanel. Alors, oui, elle a joué dans Phénomène de Shyamalan, et ça fait mal, mais ça reste une actrice que je prends toujours beaucoup de plaisir à voir. Elle a notamment joué dans Almost Famous, qui est un film de Cameron Crowe, je crois qu'il s'appelle, qui est vraiment pas mal. Et en fait, c'est-à-dire que le personnage n'est vu qu'à travers les yeux de Tom. Donc c'est forcément... On a tous eu un premier amour, et c'est forcément cette vision complètement, pas fausse, mais idéalisée, parfaite, qu'on peut se faire. Et je pense que c'est... Moi, je vais être honnête, j'ai adoré le film. C'est-à-dire que je l'ai vu un soir, je trouvais ça très... très sincère et vraiment très très très très très touchant. J'ai vraiment vraiment beaucoup beaucoup aimé le film, et je l'ai revu le lendemain avec ma famille. Mais vraiment, j'ai trouvé ça très fort, parce que il l'a dit, il arrive vraiment à traduire ce sentiment de cœur brisé et de la vision que tu peux avoir lors d'un premier amour, d'un premier vrai amour, cette espèce de vision idéalisé et en même temps très... où tu ne peux plus voir les problèmes au final, et où ton humeur va changer du jour au lendemain. C'est-à-dire que l'intro du film, tu sais, il est complètement déprimé, en train de casser des assiettes. Oui. Après, tu reviens à une scène entre les deux, et après tu reviens, il fait « Ouais, je la déteste !» Et en fait, les allers-retours font que le film arrive à traduire cette espèce de côté souvenir de relation. Enfin, en tout cas... C'est vraiment un ressenti personnel dont je parle. Je pense que d'autres peuvent très bien se dire c'est totalement faux, je ne l'ai pas du tout vécu comme ça. Mais moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai reçu, en tout cas. Où ça arrive à traduire quand tu te rappelles d'un souvenir, tu vois les bons côtés, les mauvais côtés. ce mélange qui est un peu pas, je cherche le bon terme, mais un mélange qui ne peut pas être vrai puisque c'est vu à travers tes yeux amoureux, en fait. C'est ça que je veux dire. Je sais pas si t'arrives à, je sais pas si tu vois, je sais pas si tu vois où je veux en venir. Je vois très bien, et surtout que c'est un tour de force parce qu'on est tous différents, et pourtant le film arrive à montrer ce que la plupart des gens ont vécu, qui est en fait assez universel au final. Et tu vois, ben, comme je te disais, je suis comme Tom, et je pense que beaucoup de personnes se retrouvent en personnage de Tom, et alors que Oui. pourtant il est unique. Et c'est ça qui est bien. Ah, c'est ça là où tu en parles, ben, tour de force, je pense que je ne peux qu'être, je ne peux que qu'approuver, parce que ouais, tu as, on est tous différents, mais finalement le sentiment de cœur brisé, il le dit aussi dans le making of, c'est un sentiment universel, mais c'est aussi quelque chose qui est extrêmement dur à reproduire, parce que comment tu reproduis une expérience que tu es le seul à avoir vécue, c'est-à-dire qu'un cœur brisé, tu vas forcément le mettre en relation avec ton histoire passée, comment tu arrives à mettre ça en image? Et je trouve que le film le fait extrêmement bien. Et il y a plein de scènes auxquelles je pense, notamment la scène de danse. Est-ce que tu veux nous parler de la scène de danse de Joseph Gordon-Levitt? Je pense que tu seras plus à même en parler que moi, pour le coup. C'est au moment où Tom et Summer ont donc, on va dire, on va dire conclure. Ils ont donc conclu pour la première fois, et Tom en fait va se mettre à danser dans la rue de façon pas hystérique, mais très très heureuse, très joyeuse et très très irréelle. On dirait la scène d'intro de La La Land, tu vois, où tout le monde se met à danser. C'est quasiment une scène de comédie musicale. C'est une scène de comédie musicale. C'est clairement une scène de comédie musicale. Et bah, c'est pour là que, tu vois, ça traduit toute le, ben, comme on l'a dit, où genre les personnages se mettent à porter du bleu, qui est la couleur de Summer, où c'est la vision complètement falsifiée que Tom peut avoir de la réalité. Complètement dissonante et qui lui le rend heureux, mais où finalement il devient dépendant à ça. Et c'est pour ça que ce film, pour moi, c'est un véritable tour de force. D'autant plus que là, on parle purement de ce qui est narratif, mais même sur la réalisation, c'est pas en reste. C'est-à-dire que tu en as parlé, mais est-ce que tu veux approfondir le côté, on va dire, non linéaire de l'histoire? Le film est monté de. En fait, ils ont sait qu'il se passe 500 jours, comme le titre l'indique. 500 jours, le film s'est déroulé sur 500 jours. Et ça a passé à tel jour, le 120e jour, le 215e jour, le 8e jour. Et ça va tourner dans un sens et dans l'autre. Et comme je disais tout à l'heure, ce qui est vraiment. C'est intelligent aussi, c'est que on voit des scènes qui se passent. Le film commence en plus à, je sais pas, 215 jours. Ouais, le film commence alors que leur relation s'est déjà terminée une première fois, on va dire. Ah, c'est ça. Donc c'est vraiment, ça va et ça vient. Voilà, et ça fait des parallèles en fait avec des scènes qu'on va voir au début du film. Je pense notamment à la scène du vinyle, où on le voit Oui. au tout début, la scène du vinyle, ils ont l'air heureux, tout ça, et en fait on va le revoir, c'est un jour très élevé, et on va le revoir à la fin du film, qu'en fait ça s'est pas du tout passé comme on le pensait. Et il y a plein de petites scènes comme ça qui sont montrées sous différents angles, et ce montage non linéaire permet d'avancer, de revenir, de réavancer. Et de montrer l'évolution plutôt que faire un truc fixe, au final, avancer et revenir dans le temps, ça fait quelque chose de plus. On comprend mieux, quoi. Oui, et à chaque fois c'est marqué avec, tu l'as dit, le petit dessin qui montre dans l'évolution des jours. D'autant plus que le film aurait pu avoir ce côté, je sais pas si tu veux, un côté très moralisateur, tu vois, genre allez, passe à autre chose, c'est terminé. Mais moi, quand je vois le film, j'y vois une vraie sincérité, une vraie envie de simplement dire, bah, c'est arrivé, mais tu sais, show must go on, faut avancer. Mais il n'y a pas de mal à se rappeler de ce qui s'est passé. En fait, je sais pas si tu vois. Là, pour le coup, j'essaie de parler de façon très personnelle, mais donc moi, c'est un film qui a vraiment résonné assez profondément en moi, mais je pense que c'est un film un peu comme Sur la route de Madison de Clint Eastwood, où il résonne différemment une fois que tu as eu un premier gros chagrin d'amour. Je sais pas si tu partages cet avis. Si, et le film arrive à être positif, malgré une histoire assez triste au final, mais toute la fin, en fait, ça met de la positivité. Bah, la fin, ça m'a fait sourire parce qu'à la fin, du coup, il trouve quelqu'un d'autre qui s'appelle Autumn. Summer, Autumn, c'est pas le point subtil sur les prénoms. Mais il y a, comment dire, une vraie évolution narrative autour de son personnage qu'on peut voir notamment grâce à ces deux personnages-là. Et à l'architecture. Et à l'architecture, oui, parce qu'au début, justement, il n'ose pas trop. Oui, bah, il n'ose pas trop faire grand-chose autour de l'architecture, mais à la fin, on le voit, il rencontre dans Autumn dans un cabinet d'architecture, ce qui est ce qui montre qu'il a su avancer, qu'il a su se forger, on va dire, un caractère et oser se lancer dans sa passion. Voilà. Mais donc, ouais, moi, ce film, ça a été vraiment un gros, gros, gros coup de cœur. Et même sur la BO, il y a plein de morceaux très, très cool. Donc, si vous avez l'occasion d'écouter la BO, allez-y. Vraiment, c'est... vous ne le regretterez pas. C'est vraiment un très très bon moment. Alors, sur la musique du film, le problème que je dis, c'est que la musique composée pour le film, elle, est pas fofolle. Parce que, parce qu'elle est noyée sous toutes les autres, toutes les musiques utilisées dans le film. Mais également, tout simplement, parce que elle est vraiment très générique. C'est une musique de comédie romantique qui est pas forcément incroyable. Donc vraiment, la musique du film, c'est assez oubliable. Mais je me suis dit que pour ce qui est de la diffuser musique, je vais vous diffuser la musique de... Je spoil, mais ma scène préférée, qui est donc Hero de Regina Spektor, qui est la scène de la fête. Alors Melvin, est-ce que tu veux démarrer sur ta scène préférée, sachant que j'ai déjà mis un pion sur la scène de la fête? Voilà, parce que j'aurais pu la choisir, mais évidemment, on ne m'a pas laissé le choix. Donc j'ai dû trouver autre chose. Ah oui, je l'ai littéralement réservé, mais... C'est-à-dire, j'ai dit, ah, c'est quoi ta scène préférée? Je réserve celle-là. Donc, du coup, j'ai dû me rabattre sur... J'ai choisi la scène d'intro, avant le titre du film, avec la voix off. Oui, cette histoire est n'est pas du tout basé sur un fait réel, surtout avec toi, salope. Ah voilà, et ça, c'est incroyable. Le début est suivi après la présentation des personnages en voix off, parce que la voix off est quelque chose que j'aime beaucoup. Je sais que t'es pas un grand fan. Je suis pas un grand fan quand ça raconte ce qui se passe à l'écran dans le film. Là, c'est vrai que c'est utile. Oui, c'est marrant aussi, et ça met dans l'ambiance du film, je trouve. Dès le début, on s'attend à quelque chose, mais le film nous surprend quand même tout en nous montrant ce qu'on attendait. Et toute cette scène d'intro, depuis le tout début jusqu'au titre du film, et c'est vraiment... Ça a un côté, on voit à quoi on s'attend, et ça nous cueille, quoi. Ça nous prend dans le film, même en 2 minutes, quoi. Bah, écoute, je vois tout à fait ce que tu veux dire, et ça me fait penser que tu amènes un point qui est intéressant, c'est que sur la réalisation du film... On a quand même un truc qui est super solide, quoi. C'est-à-dire que il y a pas mal d'idées. Tu as parlé des petits dessins, mais même l'intro ou la scène dont je vais parler, il y a pas mal d'idées sur la réalisation qui est vraiment pas en reste sur le film. Et c'est vrai que sur cette intro, elle a quasiment un côté Amélie Poulain. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, où il présente qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il fait. Amélie Poulain, c'est génial. Parce qu'en fait, au début d'Amélie Poulain, il y a une voix off qui fait lui, c'est le père d'Amélie, ce qu'il aime, c'est ça, ce qu'il n'aime pas, c'est ça. C'est vraiment très, très, très mignon. Alors, moi, ma scène préférée, c'est la scène qui, le premier soir où je l'ai vue, cette scène, j'étais globalement en PLS, hein, j'étais dans le mal. C'est la scène de la fête qui arrive au bout de 300, donc 400 et quelques jours. Oui, à la fin du film. Alors là, pour le coup, donc, gros spoiler, hein, attention, gros spoiler. En fait, donc, Tom, qui a... comment on pourrait dire ça, qui a à peu près réussi à se reconstruire, mais qui continue quand même de penser régulièrement à Summer, va donc se rendre à une fête où cette dernière l'a invité, après qu'ils aient dansé tous les deux à un mariage. Et quand il arrive à la fête, il y a un split screen qui se fait. Donc split screen, c'est quand on voit deux écrans, pour nos auditeurs, quand on voit deux écrans qui montrent des choses différentes, sur côte à côte. Et donc on voit un écran où c'est littéralement marqué en bas « expectations », donc « attente », et l'autre où c'est marqué « reality », la réalité. Et on voit que il s'attend à la revoir, est-ce qu'elle passe du temps avec lui, est-ce qu'ils reconstruisent quelque chose. Et dans la réalité, on réalise qu'en fait, c'est une soirée pour les fiançailles de Summer, qui s'est fiancé à quelqu'un d'autre. Et il le réalise peu à peu, et j'ai trouvé cette scène absolument, absolument terrassante, où vraiment, bon, avec la musique qui ajoute un côté vraiment assez pathos, mais qui, moi, m'a vraiment pris, je m'y attendais pas. Et ouais, et voilà, cette scène a été un peu difficile à surmonter, je vais pas mentir. Mais vraiment, c'est un film que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Et pour moi, c'est une petite merveille. Hein, vraiment. Il a des défauts. Je pense notamment, vraiment, il a vraiment un côté pathos. La musique qui est parfois très, potentiellement trop illustrative. Mais c'est quelque chose qui assume toucher, qui assume me parler, on va dire. Et cette scène-là, pour moi, ça a été compliqué, on va dire. Toi, t'en as pensé quoi ? Mais même sans parler de ce que ça raconte, c'est d'un point de vue réalisation, c'est extrêmement bien fait aussi. Parce qu'on a deux fois la même scène avec des plans qui sont exactement les mêmes entre les attentes et la réalité. Et ça arrive pourtant à être ultra fluide. On arrive à suivre les deux. Ça alterne plus ou moins entre chaque. Et avec les mêmes décors, tout ça, il y a vraiment le détail qui est fait dessus. C'est vraiment, en plus d'être innovant. Mais oui, ça, tu l'as pas dit, c'est que c'est pas genre. La même fête, plus ou moins, non, c'est littéralement les mêmes plans avec ce que lui a dans sa tête et ce qui est la réalité. Donc c'est vrai que c'est là-dessus, c'est impressionnant qu'ils aient tout reproduit à chaque fois. Et vraiment, cette scène, ça a été très très fort. Et quelque chose dont on n'a pas parlé avant et qui me fait penser, pourquoi on revient dessus, l'alchimie entre les deux acteurs. C'est au-delà des performances, l'alchimie entre les deux. Oui, même l'ensemble du casting. Bah, ça, en plus, il y a Chloé Grace Moretz, mais il y a aussi Clark Gregg, donc l'agent Coulson. Oui. Oui, mais après, lui, on le voit deux fois. Oui, mais il a un petit rôle que j'ai quand même bien aimé. Il y a aussi une scène où tu vois tous les personnages donner leur définition de l'amour. Tu vois donc les deux potes qui sont un peu des losers qui font « Ouais, moi, je veux bien que la fille soit jolie et consentante, et même sur jolie, je suis prêt à faire des concessions. » L'autre qui est toujours en couple avec la même fille qui fait on s'est rencontrés il y a je sais pas combien de temps et depuis voilà. Et il cite un truc de carte là. Ouais, il cite un truc de leur carte et après tu vois Joseph Gordon-Levitt qui fait voilà et qui sait pas trop quoi dire. Donc non, vraiment c'est assez assez chouette, on va dire. Mais en sur Joseph Gordon-Levitt, je trouve qu'il arrive à avoir un côté très universel dans le cœur brisé, c'est universel et il arrive à faire que chacun puisse se reconnaître en lui. Et Zoé Chanel est une super Summer, tu ne me feras pas changer. Et je l'ai pas dit tout à l'heure, mais je tenais à préciser quand même, tu sais dans quoi elle a joué qu'on a déjà traité en podcast Big Trouble. Dans quoi déjà, Big Trouble. C'est un Sonnenfeld ça. Ouais, et voilà, j'ai aucun souvenir qu'elle était dedans, mais c'était pour l'anecdote. Bah écoute, elle doit avoir un petit rôle, mais comme tu peux le voir, le film. Je t'avoue qu'avec du recul, si un jour on fait un bilan des épisodes, je t'avoue que le Sonnenfeld, il a été difficile, hein, vraiment. Non, mais j'aime le rappeler de temps en temps. C'est tout. Ok. Et donc sur la VF, est-ce que. Alors déjà, je me permets de poser une question. Est-ce que la VF de Joseph Gordon-Levitt est la même que celle de Harold dans Dragon ? Bien sûr. D'accord. Bien sûr, vas-y. Sur la VF, alors, je soulève un point, je pense que tu en as parlé avec le titre, mais le fait qu'elle s'appelle Summer, ça passe pas en VF. Parce que les petites blagues avec le automne à la fin, genre automne, mais bon, Summer, été, si tu es vraiment une bille en anglais, tu comprends pas et ça perd un peu ce côté-là. Ouais, parce que pour le coup, je trouve que 500 Days of Summer montre que vraiment, déjà, que c'est pas une histoire d'amour, et c'est littéralement le ressenti du héros, c'est-à-dire c'est les 500 jours passés avec elle, de elle, on va dire, où il a vécu à travers elle, là où 500 jours ensemble fait beaucoup plus espèce de comédie classique, au final. Alors qu'en québécois, 500 jours avec Summer, voilà. Encore une fois, les Québécois ont un train d'avance. Et donc ouais, il y a ce petit truc qu'on perd un peu en français. La voix française de Zoé Deschanel est pas beau, c'est pas terrible quoi. Donc elle joue bien, mais pas sa voix. Et alors, pour le coup, je vais pas trop en parler. Bah, Zooey Deschanel, ça me fait un peu mal au cœur parce que c'est une actrice qu'on n'a pas vue dans beaucoup, beaucoup de choses. Mais enfin, après, j'ai pas suivi non plus sa carrière avec assiduité, mais c'est pas une actrice qu'on a vue partout. Mais c'est une actrice que moi, je prends toujours beaucoup de plaisir à voir. Je trouve qu'elle a un charme et un côté pétillant qui fonctionne. Bon, après, elle a joué dans Phénomène qui est parmi les pires Shyamalan. Pas le pire, parce qu'il y a quand même Le Dernier Maître de l'Air et tout ça. Hein. Mais je trouve qu'elle a toujours une espèce de spontanéité qui fait plaisir à voir dans ses rôles. Eh ben, pas sa voix française, apparemment. Oui, c'est vrai que la VF, pour le coup, j'avais donc moi le premier soir, je m'étais fait en VO et le lendemain, j'ai vu la VF avec ma famille et ouais, c'est vrai que c'est complexe, c'est vraiment assez complexe. Comme tu sur José Gordon-Levitt, c'est Donald Reignoux, dont de toute façon, je vais en parler maintenant comme ça s'est fait, parce que c'est aussi Andrew Garfield dans les Amazing Spider-Man, dans la plupart de ses films. Donc, comme tu dis, c'était Harold, c'était Titeuf, c'est Jesse Eisenberg, enfin, c'est vraiment des doubleurs les plus connus en France. Et pour le coup, c'est Oui, un très bon. C'est animé c'est un toujours. excellent doubleur, je trouve. Un excellent doubleur, c'est un des plus connus. Si jamais ça intéresse certains qui s'intéressent au doublage, je fais des émissions. Alors, sur Twitch, je crois, mais il les remet en replay sur YouTube, où il fait des émissions de 1h30, 2h avec des doubleurs. C'est très intéressant. Bah écoute, j'essaierai d'aller jeter un œil parce que c'est vrai que c'est un doubleur, donc bah en tout cas le nom est connu, le nom me dit quelque chose. J'essaierai de jeter un œil. Est-ce qu'il y en a un deuxième? Il faut que je te revienne dessus sur le narrateur. C'est François Berland. Et François Berland, c'est un doubleur qui est que narrateur, en fait. Il a fait le narrateur dans Ted, dans B-Movie, dans quasi tous les Winnie l'ourson. Et c'est aussi la voix off du Maillon Faible. Et voilà, il fallait que je le dise. Alors, quand même, la voix off de l'émission de télé Le Maillon Faible, qui est narrateur de 500 jours ensemble, c'est particulier. Honte Mais à c'est un. moi, j'ai jamais vu Maillon Faible. Ça fait partie de mes classiques que je n'ai jamais vus. Mais ouais, c'est juste, en fait, c'est un narrateur qui fait que des voix de narrateur ou de jingle ou que des machins comme ça. Et qu'il les fait bien d'ailleurs, mais voilà, il faut que je revienne dessus. Bah écoute, super. Est-ce qu'on passerait pas au deuxième film? Parce que moi, si jamais ça tenait qu'à moi, on pourrait quasiment s'arrêter là. Hein, mais est-ce qu'on doit finir? Est-ce qu'on peut passer au deuxième film? Au même gros morceau hein, de sa carrière, quand même. Bah, Pas ce exact. pourquoi il est connu finalement. Et est-ce il faudrait qu'on fasse un rapport rapide du budget, de la différence de budget entre 500 jours ensemble qui était à 7,5 millions et donc en 2012, The Amazing Spider-Man. Tu vas rester un petit peu chez ton oncle et ta tante. Tu seras en sécurité ici. Vous allez où, vous deux? Ta mère et moi, on a quelque chose à faire. Je veux venir avec vous. Allez, faut y aller. Alors, parlez-nous un peu de vous, Monsieur Parker. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Peter habite avec sa tante et son oncle. Je l'avais complètement oublié. C'était à ton père. Qu'est-ce que tu fais là? Moi, rien. Évite de m'attirer des ennuis. Ne touche à rien. Et ce que l'on nous cache. alors commençons par le budget, 230 millions. Ouais, il y a un petit app, mais alors est-ce que tu as trouvé, comment est-ce qu'il est arrivé dessus? Pas vraiment, enfin, ils l'ont pris un peu comme ça, genre il avait l'air bon, ils l'ont pris, c'est un peu ce que j'ai compris. Mais bah, je pense que c'est entre guillemets ce dont on parlait chez Proyas, il y a deux émissions maintenant. Le côté, tu sais, la fameuse voix royale qu'on avait encore dans les années 90, où c'est premier clip, premier film indé, blockbuster. Ouais, c'est ça. Et qui n'était pas mauvais en plus, pour le coup. Alors, au scénario, je vais commencer par James Vanderbilt, parce qu'en plus, on a déjà parlé, c'était le gars qui était sur Scream 5, Zodiac ou X-Men Origins Wolverine. C'était le gars au CV un peu éclectique. Donc, celui-ci. Un peu. Donc, je commence par lui, parce qu'en fait, le film. Je vais commencer par l'origine, en fait. Ce sera plus simple. Il est pour un projet de faire Spider-Man 4, donc les suites des trilogies de Raimi, pour 2011, ce qui était annulé en 2010 parce que Sam Raimi et son équipe sont partis parce que le délai était trop court, il y a des problèmes d'accord avec la production, notamment sur le méchant du film. Et c'est bien dommage. En fait, le 4, ça devait être Mysterio, à la base. Non, c'est mieux que ça. Parce que moi, ça me fait toujours marrer. Toutes les rumeurs disaient Mysterio avec Bruce Campbell dans le rôle. Donc ça devait être le Vautour avec John Malkovich. C'était ça qui était prévu. Oh, et le studio a fait quoi ? Mais non, ça c'est nul comme méchant. Bon, c'est comme ça qu'ils l'ont commencé dans l'MCU. Ça me fait doucement marrer parce que bon, ils l'ont viré alors qu'ils l'ont repris juste après le Vautour. Mais bon. Le Vautour par John Malkovich, putain, ça aurait eu de la gueule quand même. Mais en plus, il ressemble bien. Pour le coup, ouais. Et donc bref, c'est annulé, et en janvier 2011, Sony annonce un reboot de la saga, et c'est là qu'ils ont pris un scénario de James Vanderbilt qui était en fait déjà écrit, plus ou moins, qui revenait sur les origines du héros, et qui était prévu pour être Spider-Man 5, plus ou moins, adapté en tout cas. Alors je pense les que... Les scénarios pré-écrits qu'on repompe pour les réinjecter, c'est toujours bon signe. Mais je pense que ça devait être sur toute l'histoire des parents. Parce que je vois pas l'intérêt de refaire des origines alors que tu les as déjà faites. Mais ça devait être ça. Et alors, truc que je ne sais pas du tout. Catherine Bigelow et David Fincher ont été envisagés pour le faire. Quoi ? Je suis tombé là-dessus et on aurait pu avoir un The Amazing Spider-Man par David Fincher. Parce que autant Catherine Bigelow, bon, pourquoi pas, ça aurait vieilli à peu près instantanément. Mais pourquoi pas, mais Fincher pour faire Spider-Man ? À la limite, pour faire un Spider-Man avec le symbiote, pourquoi pas, mais pour faire Spider-Man tout court. Pourquoi avec un truc de assez sombre, ça aura. Enfin, franchement, je le vois plus là-dessus que sur Avengers, quoi, par exemple. Oui, mais pour moi, en fait, ça reste trop. Surtout le Fincher de cette époque qui est obsédé, tu sais, pour simplifier, le mal en chacun. C'est pour ça que le mettre sur une histoire Spider-Man entre guillemets classique me semble un peu... Ouais, pourquoi pas. Mais bref, je te laisse continuer. Mais bref, ils prennent... Bon, de toute façon, c'est fini. Ils prennent finalement Mark Webb, qui était à peine connu du coup, du grand public. Et tournent le film là-dessus. Donc au scénario, donc Vanderbilt, c'est son scénario, mais c'est également réécrit avec Alvin Sergeant, qui était sur les Spider-Man 2 et 3, principalement. Mmh. Donc qui connaît, et Steve Kloves, et alors lui par contre c'est le gars qui a fait à peu près tous les Harry Potter et les Animaux Fantastiques 3, et c'est on ne le remercie pas pour ça d'ailleurs. Voilà. La musique, on a James Horner, donc c'est Jumanji, le Grinch 3 ou Avatar pour les plus connus, et surtout Braveheart aussi. Braveheart, Braveheart pour moi c'est James Horner, je suis pas fan de tout, c'est souvent assez pompeux, mais Braveheart et Titanic. Mais ces deux-là, c'est quand même un bon morceau, quoi. Mais il a un CV quand même très, très rempli. Et alors, au casting, on retrouve Andrew Garfield, Emma Stone. Dans les rôles principaux, on a Reese Witherspoon en méchant, Martin Sheen qui revient, Sally Field ou Irfan Khan, qui s'est quitté il y a quelques années. Oui, Irfan Khan qui était donc pour beaucoup le patron dans Jurassic World, celui qui fait je gère tout le temps, là. Ouais, qui se fait éclater par des ptérodactyles. Ouais, c'est ça. La quasi meilleure scène de Jurassic World. Voilà. Au casting, donc, en place d'Andrew Garfield, il y a eu des essais pendant très très longtemps. Et alors là, tu as une liste de noms longue comme mon bras. Et alors, ça aurait pu être Jamie Bell, Josh Hutcherson, mais Dieu merci, ce ne fut pas lui. Ouais, non, Aaron Johnson, qui lui par contre sera Craven bientôt, Anthony ouais. Elchin ou Logan Lerman. Et Anthony Elchin a finalement été choisi pour être Harry Osborn, mais dans le 1, mais ça s'est pas fait, finalement ils l'ont changé dans le 2. Oui, parce que dans le 2, c'est Dane DeHaan qui est compliqué, qui est un peu compliqué quand même. Et okay. Pour Emma Stone, on aurait pu avoir Lily Collins, Emma Roberts, Mia Wasikowska ou Mary-Elizabeth Winstead. Ils sont finalement restés sur Emma Stone, qui elle devait être Mary J. Wenson de base, mais qui finalement ils ont fait « Non, on va prendre Gwen Stacy, c'est mieux ». Et voilà. Bah, je pense que c'était surtout pour se différencier du Spider-Man de Rémi. Oui, parce que pour des interviews qu'on a eues de Mark Webb, il disait que lui, ce qu'il voulait, c'était pas faire une suite ou un remake ou quoi. Il voulait vraiment faire autre chose que ceux de Rémi, faire quelque chose de différent pour se démarquer. Enfin, pour se démarquer, pour laisser intact ce qu'a fait Sam Rémi, en fait. Est-ce que c'est réussi ? Peut-être. Ça se discute. Ça se discute bien. Et j'ai pas fait le résumé, alors je savais très vite, c'est les origines de Spider-Man, et vous mettez en méchant le lézard, et puis voilà. Et sauf que par rapport au précédent, on a une histoire sur les parents de Peter Parker et Oscorp, qui est quand même largement introduit, qui sera le fil rouge de la saga. Enfin, si on peut appeler ça une saga. Donc, est-ce que tu veux démarrer par ton avis sur le film ? Parce que moi, ça a été un peu froid, mais toi, il me semble que tu l'aimes bien quand même. Les Amazing, c'est ce que je préfère, déjà. Je place ça. Au moins, c'est honnête. Voilà, et je les préfère, ceux de Rémi, et de très loin, ceux du MCU. Mais on en reparlera de cela bientôt. Bientôt, je pourrais les défoncer. Pardon, je l'ai dit. Et je vais sortir un truc, ça va te faire mal. Hein. et non, c'est en fait, c'est, tout simplement, ça, je pense que ça s'explique assez facilement. Le premier Spider-Man que j'ai vu, c'est Spider-Man 3 au cinéma. Aïe! Et pour le coup, j'ai bien aimé, mais j'avais 10 ans. Et ceux que j'ai vraiment découvert quand j'étais ado, c'est les Amazing Spider-Man. Je crois que je les ai pas vus au cinéma, mais j'ai découvert assez vite après leur sortie. Et c'est que j'ai grandi en fait. Et du coup, ça aide beaucoup. Et c'est difficile que je peux voir, en fait. Je vois tous les défauts. Et j'avoue que le 1, c'est pas celui qui me garde le plus de souvenirs. Je préfère le 2. Le 1, je l'ai pas oublié, mais presque. Mais je retiens 2-3 points qui sont... Enfin, on en parlera, mais les scènes de Voltige, je les trouve incroyables par rapport à... Ah, c'est du MCU, mais ah, non, je sais pas, faut pas que je tape dessus encore. Pas encore. Et non, je trouve qu'il y a des points qui sont intéressants. Et ça se ressent dans le film de Mark Webb, en fait, quasiment. C'est qu'il y a une volonté. On sent la volonté de faire quelque chose de bien. Ça y arrive pas forcément toujours, mais on sent que l'envie de faire quelque chose de différent. C'est pas comme les Venom, c'est pas sérieux. Là, on sent qu'il y a quand même un certain sérieux dans tout le film, et c'est appréciable. Moi, j'aurais voulu adorer le film. Sincèrement, j'aurais vraiment, vraiment voulu adorer le film parce que c'est. Alors, je l'avais vu qu'une fois à leur sortie et j'en avais des souvenirs pas trop mauvais. J'étais en mode, bah, ça passe. Tu vois, genre, c'est pas nul, mais c'est honnête. Mais honnêtement, le revoir, ça a été pas une douche froide. Je vais pas aller jusque là. Ce serait quand même exagéré. Mais ça a été quand même une grosse chute. Alors, je vais commencer quand même par le positif parce que j'ai pas envie de tout plomber. Déjà les acteurs, c'est-à-dire que Andrew Garfield, enfin, il a plus rien à prouver, quoi. C'est un putain d'acteur. Je veux dire, ce Silence, The Social Network, Tu ne tueras point, Never Let Me Go, je veux dire. C'est quand même un acteur exceptionnel. Emma Stone, bah, elle a joué dans La La Land, qui est, je le rappelle, mon film préféré ever. Donc, bah, ça reste aussi... J'étais très très content de la revoir. Mais, quelque chose qui... Comment dire ? J'adore les acteurs, mais j'aime pas les dialogues. J'adore la réalisation. Enfin, les scènes de Voltige, comme tu dis, qui sont super. Mais j'aime pas comment c'est réalisé en dehors des scènes, pas d'action, mais des scènes plus nerveuses, on va dire. J'adore le personnage de Spider-Man, mais je déteste le méchant Lézard. Donc tout ce que je pourrais aimer est toujours contrebalancé. C'est-à-dire que le lézard, t'en as parlé, c'est lui le méchant. Déjà, sa tête me fait un peu penser à un filtre Snap raté. C'est très très moche, le lézard. Ouais, je veux dire, le lézard, il est pas beau, quoi. C'est quand même compliqué. C'est clair, les filtres Snap, on se met, ça garde notre tête, mais ça met une espèce de costume autour. C'est... Voilà, c'est ça. Mais, et surtout, le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est son plan qui est teubé. Quoi. C'est littéralement, je veux transformer les humains en lézards. Bah, ok. C'est... Vraiment, je trouve ça assez crétin. L'acteur est pas mauvais, hein, et je veux dire, et en soi, le lézard a quand même. Enfin, je veux dire, c'est qu'à part le visage qui est complètement foiré, je trouve que le reste, disons que le lézard, c'est quand même un personnage un peu ridicule. Tu sais, il a un espèce de truc violet à la Hulk. Et normalement, il peut contrôler les lézards, tu vois. Donc, d'ici à ce qu'on ait, je sais pas, Serpent Man qui contrôle les serpents et les grenouilles pour t'attaquer, ça aurait été compliqué. Mais ils ont réussi à faire quand même un espèce de truc un peu imposant, malgré le visage qui ne marche pas. Après, le lézard, dans les comics en tout cas, c'est plus le docteur Kurt Connors qui est hyper intéressant parce qu'il a beaucoup de dilemmes avec son enfant, sa femme. Oui, c'est ça. Ça qu'on ne voit pas trop dans le film. Et quand il se transforme en lézard, juste il casse tout. Mais c'est pas. Enfin, ce qui est plus important, c'est Kurt Connors. Donc, celui dans le film. Voilà, ça, je suis complètement d'accord avec toi. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, tu l'as dit, c'est le fait qu'à la base, c'est un humain qui veut, entre guillemets, son propre bien en se régénérant un bras avec de l'ADN de lézard, c'est ça ? Enfin, ouais, c'est des lézards qui voient ça ? Et qui finalement va se transformer et qui va lui créer une deuxième personnalité, donc qui est celle du lézard. Mais là, c'est complètement squeezé, ce qui est quand même vraiment dommage. Et j'ai parlé des dialogues, mais en fait, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est déjà le côté... C'est-à-dire que Mark Webb sait écrire des personnages, mais a du mal à écrire des dialogues. C'est-à-dire que dans 500 jours ensemble, les personnages sont super, mais quand ils parlent entre eux, ça a un côté presque irréel. Mais c'est justifié, enfin je trouve ça justifié, par le fait que tout est raconté à travers le souvenir de Tom. Ici, étant donné que ça se veut plus réel, je trouve que tous les dialogues ont un côté très fonction. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois très bien, et pour revenir sur le lézard, ce que tu dis... Marc Marois, il arrive très bien, et je trouve que ce qui se ressent dans tous ses films, c'est qu'il écrit très bien les personnages. Et finalement, il essaie pas trop les faire parler, le lézard notamment. Le lézard, ce qui est bien, c'est que il est là, et c'est globalement gros méchant. Hein. Il va pas trop loin. Non, et pourtant, même sa relation avec Peter et Gwen, ça pourrait être plus travaillé, et c'est pas si mal. La relation entre Peter et Gwen, pour moi, c'est le gros point fort des deux films. Et même avec sa tante, je trouve, c'est peut-être te faire mal, mais avec Tante May, ceux de Sam Raimi avec Peter, la relation est sympa, mais je trouve que ça ne va jamais très très loin, alors que là, pourtant, je crois qu'on la voit moins, et je trouve que ça fait beaucoup plus naturel. Bah, pour le coup, je ne suis pas forcément d'accord, parce que je trouve que dans les Spider-Man de Raimi, Peter a vraiment le côté... inquiet pour sa tante. Après, l'actrice qui joue la tante, alors ça fait longtemps que j'ai pas revu les Rémy, my bad, mais l'actrice qui joue la tante dans les Rémy, dans mes souvenirs, est beaucoup plus vieille. Ah oui, mais elle est beaucoup plus... Oui, bah, elle rajeunit de film en film, hein, parce que dans le dernier, c'est Marissa Tomei, on dirait que c'est sa mère. Hein, c'est ça, sa sœur, tu verras. Et en fait, dans les Rémy, il a vraiment ce côté inquiet pour elle, que je trouvais assez touchant, là où, c'est surtout vu dans le 2, mais dans le 2, je la trouve un peu énervante. Pas non plus au point de vouloir la tarter, hein, mais quand même un peu... J'étais pas très content quand je la voyais. Après, pour moi, tu l'as dit, le gros point fort, c'est la relation entre Peter et Gwen. Et je pense que c'est dû à 95% à l'alchimie qu'ont les deux acteurs et au talent individuel des deux. C'est-à-dire que... ensemble après. Ils étaient en couple. Oui, mais ça, c'est le fameux... c'est le fameux fameux effet Spider-Man. Tous les Spider-Man sont sortis avec leur Mary Jane ou leur Gwen Stacy respective. C'est vrai. Et après Spider-Man 1, pour le coup, ce qui me fait sourire, c'est qu'il a le même budget que le 2, mais je le trouve un peu petit bras par rapport au 2. C'est-à-dire que il ose pas trop. Tu vois, genre, il crée le Spider-Man, ça va assez vite. Ah oui, ça c'est bien d'ailleurs, c'est que les origines de Spider-Man, c'est 20 minutes. C'est-à-dire que... bah, c'est... on les connaît déjà, donc au moins il n'a pas besoin de les refaire, et dans le MCU ils auront compris, on n'a même pas ses origines. Après, globalement, The Amazing Spider-Man 1, j'étais assez sceptique. J'étais content de le voir, j'étais content de le revoir, j'étais content de le pouvoir le réévaluer. Il y a des bons points qui sont sortis, la réalisation, les acteurs, mais je dois admettre que pour moi, ce qui plombait tout, c'était vraiment les dialogues et le côté très... Je suis à deux doigts de dire le mot con, mais oui. Le fait que le film a un côté vraiment naïf, mais pour moi c'est les dialogues qui flinguent tout, parce que les dialogues n'étant pas crédibles, t'as du mal à croire à leur relation, et tu dis j'y crois parce que le film me dit d'y croire, mais j'y crois pas naturellement. Mais c'est pas le seul problème, c'est que il y a un autre problème. Autant j'aime bien le film, autant je trouve que le scénario est vraiment pas incroyable, c'est bourré d'incohérences de partout. Bah, tu l'as dit, je te laisse raconter le plan du lézard, mais il est con. Enfin, je veux dire, c'est nul ce plan. Bah, c'est juste transformer tout le monde en lézard, hein. C'est vraiment pas plus que ça. Et même tout le truc des grues, enfin, je veux dire, ça a longtemps été critiqué. Enfin, ils appellent tous les gars des travaux et dire ouais, mettez les grues pour que je puisse voltiger. Ouais, ok, d'accord, mais dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Hein. Les gars, ils font une grève ou je sais pas, mais. Je monte dans ma grue, il est 23h du soir, où je te la mets pile dans la ligne, parfait. Bah, enfin, après, il y a plein de ça, à y croire, et... c'est dommage. Ça, le côté, tu sais, l'araignée pote de New York, on le verra encore plus dans le 2, notamment au début. Mais ça, c'est limite, c'est pas quelque chose qui m'a dérangé, parce que c'est. Bah, étant donné que tout le film a ce côté un peu tarte à la crème, je me suis dit, ah, allez, pourquoi pas. Tu vois, c'est. Ça me dérange pas non plus, c'est juste que c'est dommage. Oui, c'est vrai. Mais après, ce qui est là où je pense que tu as aussi mis le doigt sur quelque chose d'intéressant au début, c'est que pour moi, le 2 est bien meilleur. Mais vraiment, pour moi, le 2, je vais pas non plus dire que le 2 est exceptionnel. Hein, je fais pas non plus partie de cette fanbase. Mais le 2 atomise le 1, je pense. Et toutes les graines qui font que le 2 est meilleur sont déjà dans le 1. Oui, le 2 est meilleur, mais le 2 aurait pas pu être le 1. Effectivement, on peut pas faire le 2 aussi bon en étant le 1. Surtout que la scène clé du 2, mais alors la scène, pour moi, a ses origines. Elle est pour toi. Elle a ses racines dans le 1. C'est-à-dire tout le film, quasiment tout le 1 est construit pour le 2, en fait. Et oui, c'est clair. Après, donc The Amazing Spider-Man 1, on peut passer à la BO ? Allez. Alors sur la BO, tu l'as dit, c'est James Horner. Moi, James Horner, c'est un compositeur que j'aime beaucoup, mais sur quelques BO. C'est-à-dire qu'il a fait Avatar, qui est une BO que j'aime vraiment énormément. Il a fait Braveheart, qui est un film et une BO que j'adore malgré ses défauts. Il a fait Titanic. Mais il a aussi fait des BO un peu nuls, notamment Apocalypto, qui est vraiment une énorme déception en termes de BO. Genre, tu vois ce que c'est Apocalypto ? Je l'ai pas vu, mais je vois, ouais. Bah, disons que foutre de la flûte de pan sur ce genre de film, c'était peut-être pas nécessaire. C'est pas Alice de l'autre côté du miroir, parce que je crois que je l'ai vu. Ah non, c'est pas lui. Il me semble pas que c'est lui. Mais sur la BO de The Amazing Spider-Man, c'est pas mal. Alors, je dois t'admettre un truc, c'est que pour moi, les BO de Danny Elfman sur Spider-Man 1 et 2, il me semble pas qu'il est sur le 3, mais il me semble qu'il est sur le 1 et sur le 2, sont exceptionnels. J'adore les BO des Spider-Man de Raimi. Et là, on sent qu'il veut se créer autre chose. Alors, ça rame un peu parce qu'il y a toujours ce côté clip. C'est-à-dire, on n'en a pas parlé, mais lors du premier entraînement, on va dire, de Peter Parker, tu as une musique de Coldplay. Enfin, on retrouve une espèce de patte de clipper. Et là, la BO arrive quand même à se frayer un chemin. Moi, il y a deux thèmes que j'ai retenus. C'est le main title et Rooftop Kiss, qui est la musique qui va... Lorsque Peter et Gwen, spoiler, s'embrassent pour la première fois. Personne ne s'y attendait, oh mon dieu. Et donc moi, j'aime bien les deux. Donc toi, t'aimerais que tu vas choisir, on diffuse laquelle, la Rooftop Kiss ou le Main Title ? Mais plutôt le Rooftop Kiss, parce que pour le Amazing Spider-Man 2, je trouve le Main Title beaucoup mieux, pour le coup. Alors pour le Amazing Spider-Man 2, j'ai déjà mis une OPA sur le thème d'Electro. Ok, bah alors le Main Title... Ok, bah du coup, on vous diffuse le thème principal de The Amazing Spider-Man 1, composé par James Horner. Melvin, est-ce que tu veux parler de ta scène préférée de The Amazing Spider-Man 1? Et ça ne sera pas une scène, mais ce sera les scènes de Voltige, comme j'en ai parlé, parce que c'est vraiment ce qui fait la marque de fabrique des Amazing Spider-Man, parce que pour le coup, celles de Raimi, il y en a, mais elles ont très mal vieilli. Et celles des MCU, bah, il n'y en a pas, comme ça au moins. Les scènes de Voltige sur MCU, elles sont un peu radines quand même. Hein. Ah, non, quand il y en a, elles sont moches. Donc comme ça, voilà. Alors que là, les Amazing Spider-Man, il y en a, elles sont belles, elles sont impressionnantes, elles font naturel, et je trouve qu'elles n'ont pas vraiment vieilli pour le coup. Genre, ça passe encore très bien aujourd'hui pour voir que ça a 10 ans. Clairement, surtout sur cette du coup cette bilogie, ce qu'on peut retenir, c'est vraiment les effets spéciaux qui sont assez bluffants. Et je suis en train de vérifier, à la photo de The Amazing Spider-Man 1, c'est quelqu'un qui s'appelle John Schwartzman, et il a fait la photo de The Amazing Spider-Man, mais du 1, il n'a pas fait du 2, mais il a aussi fait les photos de Armageddon, de Pearl Harbor, de The Rock, donc en fait il a également apparu dans cette vague de clippers des années 90, c'était l'époque de Michael Bay, etc., enfin l'époque, l'apparition de cela, donc ça m'étonne pas qu'il soit avec Mark Webb, je suis en train de me faire la remarque. C'est vrai, oui, ce que je suis en train de voir, il a aussi fait Jurassic World pour le coup, et des trucs comme Benjamin Gates, c'est vrai que ça se ressent au niveau photo, c'est pas incroyable, mais ça fait le taf. La photo sur la scène de Voltige est vraiment pas mal, c'est vraiment assez fluide, assez impressionnant, et après je pense que c'est aussi dû au physique de Andrew Garfield, qui a un physique très filiforme, oui. Et qui du coup a un côté beaucoup plus agile, qui est vraiment assez, assez prenant. Donc je peux passer à ma scène ? Vas-y. Alors moi, ma scène préférée, je triche à moitié parce qu'en fait, je l'aime parce que le 2, en fait, c'est surtout ça, c'est, gros spoiler, la scène de mort du Capitaine Stacy. Parce que dans le 1, je trouve qu'elle n'impacte rien du tout. Ah oui, dans le 1, pour le coup, elle l'amène, justement, je l'aime parce que le 2, c'est-à-dire, je peux pas trop dire pourquoi je l'aime là maintenant, j'en parlerai surtout sur le 2. Mais je trouve que cette scène préfigure... En fait, ce que je disais, tout le 1 est construit pour une scène du 2. Je pense que c'est ça qui crève les yeux. Et cette scène-là est pour moi le premier step vers le 2. C'est-à-dire, tout est fait pour le 2, littéralement. Donc, j'en parle, je peux pas trop en parler là maintenant, mais j'en parlerai lorsqu'on sera sur le 2. Vous verrez. Tu veux nous parler de la VF ? Tu nous as déjà parlé de Donald Reignaud, mais sur Emma Stone ou les autres ? Alors sur Emma Stone, c'est Elisabeth Ventura, qui est sa voix habituelle sur beaucoup, beaucoup de films qu'elle a fait. C'est aussi la voix de Carrie Mulligan, donc pour prendre exemple récent sur Promising Young Woman. C'est aussi la voix habituelle de Brie Larson, notamment dans les Marvel. Tout revient au Marvel, de toute façon. tous les films mènent à Marvel. Voilà, et donc c'est la voix de Brie Larson dans Captain Marvel. Et on a également que... Attends, que j'écorche pas son nom, parce que je prends des notes, et en fait j'écris très mal, et du coup c'est très moche, j'arrive pas à m'en lire. T'en fais pas. On a également Christian Gonon sur Ricky Fans, qui il a déjà doublé sur quelques films, qui a aussi doublé Waltz quand il se double pas lui-même, notamment dans les James Bond. Et sinon c'est la voix quasi habituelle de Colin Firth. Donc, voilà. C'est ça, à tout hasard, c'est sa voix dans le Kingsman ? Oui, il me semble que oui. Ok, bah super. C'est un doubleur assez bon, parce qu'il arrive à changer sa voix en fonction des accents et tout. Et je trouve qu'il fait ça bien, pour le coup, parce qu'entre Colin Firth et le Lézard, il y a comme une sacrée différence. Oui, légère. Et lui, il le fait bien. Ok, bah super, super. On peut passer au film suivant ? On peut. Alors, on arrive donc en 2014 avec Sony qui continue ses projets de traire ses vaches à lait avec The Amazing Spider-Man 2, sous-titre à la con, le destin d'un héros. Vous savez ce que j'adore quand je suis Spider-Man ? Absolument tout. Peter Parker. Harry Osborn. On s'est pas vu depuis 10 ans. T'as fait quoi pendant tout ce temps ? J'ai pas mal surfé sur la toile. Wow ! les bras. C'est le poignet. Tout est dans le poignet, mon pote. Peter, je vais te montrer un truc qui va t'intéresser. Oscorp te surveille de près. Pourquoi? C'est la question du jour, on dirait. Rien n'est comme je l'imaginais. Rappelle-toi ce que je t'ai dit. Les secrets ont un prix, tout comme la vérité. Mon nom est Richard Parker. J'ai découvert comment Oscorp allait exploiter mes recherches. C'est quoi tout ça? L'avenir. Nous avons des projets pour toi, Peter Parker. Tu voulais être le héros. Un coup de main? Tu vas devoir payer le prix. Nous avons le pouvoir maintenant. Nous pouvons changer le monde. Allons attraper une araignée. J'ai fait un choix. C'est mon destin. Tu n'es pas de taille, Peter. Je suis le seul à pouvoir les arrêter. Je suis Spider-Man. Avec toi. Non, c'est trop dangereux. Désolé, je t'aime, m'en veux pas. Peter ! Donc, The Amazing Spider-Man 2, on va pas répéter le sous-titre à chaque fois parce qu'on a la flemme et parce qu'il est nul. Sorti en 2014, durée de 142 minutes. Alors, budget, on a le même, 230 millions de dollars. En termes d'accueil critique, c'est sympa, mais sans plus. Vraiment, le premier a beaucoup marché pour le coup, c'était du 730 millions à peu près. Ouais, bah sur le deuxième, on est à 708 millions de recettes, mais sur les critiques, ils lui ont reproché, on y reviendra, un récit flou, les dialogues, poète, et des personnages, on sera beaucoup trop de personnages, j'y reviendrai. Au scénario, on a James Vanderbilt, tu l'as toujours dit, mais il y a également eu beaucoup de réécritures. Alors là, j'avoue que j'ai pas pu trouver tout qu'est-ce qui a été réécrit ou pas, mais je pense que ça se voit un peu. Et on a également Alex Kurtzman et Roberto Orci, qui sont deux compères qui ont travaillé sur Transformers 1 et 2, pas bien. Mission Impossible 3, pas bien. Star Trek et Star Trek Into Darkness, bien. Cowboy Envahisseur aussi. Hein. J'en ai aussi. Non, mais c'est... Et La Momie, surtout. Voilà. Lequel? Bah, ton avis. Le bon ou le mauvais? Bah, le pas bon. Oh putain. Ah, l'a réalisé. Ah oui, putain. Ah bah oui, bah, ouais, bah écoute. Aïe. Et avec Tom Cruise, voilà. À la photo, on a Dan Mindell, qui est qui a travaillé également sur Star Wars 7, bien, et 9, pas bien. Ce type, c'est le tueur de franchise. Accroche-toi bien. Star Wars 9, Pacific Rim 2, The Cloverfield Paradox, John Carter. Waouh. Toutes les franchises où il a participé sont mortes. C'est génial. Il a également fait Mission Impossible 3, qui est quand même le dernier avant le reboot avec le 4. Après, il a fait la photo de Domino de Tony Scott, que moi j'aime bien, mais qui a une photo un peu particulière. Mais donc voilà, donc ce type est le tueur de franchise par la photo. Tu vois, c'est comme ça. Au casting, donc on reprend Andrew Garfield, on reprend Emma Stone, on ajoute Jamie Foxx dans le rôle de la pile, d'Electro. Qui a fait donc Baby Driver, Django Unchained, Collateral. On a Dane DeHaan, aussi appelé Je n'ai pas de charisme, qui a également joué dans The Place Beyond the Pines ou Chronicle. Et on a Felicity Jones, que je remercie chaque jour parce qu'elle a joué dans Une merveilleuse histoire de temps et Monster Calls, que je trouve être deux pépites. J'adore ces deux films. Ça. À la musique, on a, alors, subtil, Hans Zimmer and the Magnificent Six. Les Magnifiques 6, magnifiques, pour les Sinister Six, subtil, tu vois. Les 6 en question, c'est donc Zimmer, Junkie XL, Pharrell Williams, Johnny Marr, Mike Eisinger. Alors, Johnny Marr, c'est un membre du groupe Les Smiths. Les Smiths, 500 jours ensemble, ça recoupe. Mike Eisinger, c'est le guitariste du groupe Incubus, qui est un film que j'aime beaucoup, un groupe que j'aime beaucoup. Steve Mazzaro et Andrew Kavsgin. Kavinsky, quelque chose, qui sont deux collaborateurs réguliers de Zimmer, mais ne nous mentons pas, à la BO, c'est surtout Junkie XL, je pense. Oui, ça se ressent quand même. Ça s'entend complètement, donc je vois pas trop en quoi Zimmer a pu participer, enfin, honnêtement. Alors, l'histoire, à nouveau, j'ai essayé d'écrire moi-même, ne m'en veuillez pas. Alors, l'histoire reprend peu de temps après The Amazing Spider-Man 1. Peter est déchiré entre sa promesse au père de Gwen de la garder en dehors de sa vie et son amour pour elle. Et en parallèle, un nouveau méchant apparaît en la personne d'Electro. Peter va donc devoir composer avec cette nouvelle menace, son couple et son ami Harry Osborn qui semble cacher des choses. Ça va le résumé ? Ça va. Mais après, comme tu disais, il y a beaucoup de personnages et on sent dans ce résumé quand même. Hein. Ça se devine déjà. Alors, maintenant, pour ce qui est autour du film, donc le film a été lancé rapidement après le 1. Enfin, le projet de base, c'était une trilogie, voire une quadrilogie. La plupart des intrigues lancées dans le premier film, alors, ce que je dis, c'est ça vient des communiqués de Sony de l'époque, précise. La plupart des intrigues lancées dans le premier film devaient donc se compléter ici et s'achever dans le troisième. Webb devait réaliser le troisième, mais devait n'être qu'un simple consultant sur le quatrième. Garfield n'était même pas sûr de revenir pour un quatrième film. Shailene Woodley interprétait le rôle de Mary Jane Watson, mais elle a été cut au montage. Elle n'était pas sûre de revenir pour le quatrième et le troisième film, étant donné qu'elle était impliquée dans une autre saga à succès avec des guillemets en parallèle, Divergente. Quelle chance! Il y a quand même une que je préfère à l'autre. Hein. Oui, mais c'est pas compliqué, Divergente, c'est nul. Donc pour le coup, si vous cherchez des photos de Shailene Woodley en Mary Jane Watson, il y en a sur internet et c'est assez, enfin si tu veux chercher en même temps, c'est assez bluffant de réalisme, vraiment elle correspond plutôt bien au rôle. Le personnage de Alistair Smith, qui est donc joué par BJ Novak, que les fans de The Office connaissent bien, devait prendre de l'importance par la suite. Je pense que Melvin, si tu lis des comics, tu vois bien qui est Alistair Smith. Pour expliquer, bon déjà BJ Novak dans le film, on le voit 3 secondes. Oui, vraiment. Il dit bonjour à Electro et c'est terminé. Voilà. Et Alistair Smith, en fait, ça va devenir un ennemi de Spider-Man, mais un peu dans l'ombre, il va créer l'anti-Spider-Man, un espèce de robot que Spider-Man aura du mal à battre d'ailleurs. Qui a eu plusieurs itérations. Voilà. En fait, à chaque fois, il s'adapte à chaque fois. Voilà, c'est ça. Et Alistair Smith a un arc assez intéressant, en fait, parce qu'après, il meurt, mais il reste quand même en vie à travers ses anti-Spider-Man et tout. Donc, c'est pour ceux qui s'intéressent aux comics, n'hésitez pas à aller vous renseigner dessus. Et effectivement, pour le coup, je serais pas contre de voir un film avec lui dedans. Ça peut être très intéressant. C'est un peu comme le... Comment il s'appelait, le méchant d'Iron Man 2 Justin Hammer. Ouais, c'est un peu le Justin Hammer de chez Spider-Man. Putain, il avait tellement de charisme que je m'en rappelais pas. Donc, j'ai dit bon, pour Mary Jane Watson. Alors, après, évidemment, on en avait déjà parlé sur le double épisode qu'on avait fait, mais il devait y avoir un film Sinister Six, enfin, qui est un peu l'arlésienne des films Spider-Man, dans lequel on devait trouver. Alors, essaye de deviner les personnages qu'il y avait dans l'équipe des Sinister Six. Bah, du coup, d'ailleurs, le Bouffon Vert. Le Bouffon Vert. Docteur Octopus. Ouais. Autour. Évidemment. Rhino. Oui. Et allez, il m'en manque deux. Je te les donne. Il devait y avoir Kraven. Ah, Kraven. Et le dernier, on n'est pas sûr, c'était soit Mysterio, soit le Caméléon. Donc le film devait être réalisé par Drew Goddard. Il devait se faire en deux parties potentiellement. Et il devait également y avoir un spin-off sur Venom et Carnage. Alors, et j'ai un truc sur ce spin-off, ça va beaucoup te faire rire. Sachant que finalement, il a été fait, mais quand on voit le résultat de merde qu'on a, c'est quand même un peu triste. Il devait également y avoir un film sur Black Cat, qui est donc joué par Felicia Hardy dans le film. Enfin, Felicity Jones, pardon. Felicia Hardy, c'est le nom de... C'est le personnage, oui. Ouais. Et sur mon Spider-Man alternatif préféré, Spider-Man 2099. Oui, ça j'avais vu. Que je trouve absolument génial. Donc pour ce qui est des suites après, The Amazing Spider-Man 3 devait surtout se focus sur le deuil de Peter, et alors accroche-toi, là ça va partir en couille. Stone devait potentiellement revenir dans le quatrième. Ah. Est-ce que tu sais pourquoi? Je voulais dire un truc n'importe quoi, mais est-ce qu'ils auraient introduit le chacal? Alors, c'est des rumeurs, mais ça ne s'est jamais confirmé. Honnêtement, j'y crois moyen, mais ce qui était confirmé, c'est qu'elle devait revenir pour jouer Carnage. Ah oui, non, c'est... voilà, c'est... C'est là que je me dis que autant je suis déçu que ce soit arrêté au 2, autant c'est pas plus mal que ce soit pas allé jusqu'au 4. Ah oui, non, parce que là, c'est là pour le coup, rien à voir, quoi. Bah, surtout que le Chacal, c'est quand même un arc ultra dur à introduire. Ouais, mais ça aurait été intéressant. Genre, parce que bah, pour le coup, le Chacal, enfin, tu sais, il y a eu deux sagas des clones, il y a eu la première et la deuxième. Et autant la première, je la trouve assez incroyable, autant la deuxième, je la trouve un peu compliquée. Mais voilà, et après, il y a eu des projets aussi de crossover avec le Spider-Man de Rémi. Ça ne s'est pas fait, du moins jusqu'à No Way Home, avec le résultat que l'on connaît. Alors, ouais. Melvin, puisque c'est toi le gros fan de The Amazing Spider-Man, quel est ton avis sur le deuxième, finalement, sur le chef-d'œuvre de cette biologie? Alors, étrangement, déjà, je le préfère. Mais je trouve qu'il a des points qui sont quand même beaucoup mieux, des trucs qui sont quand même plus travaillés que le 1. Mais, paradoxalement, je trouve qu'il y a des défauts qui sont beaucoup plus voyants. Genre, une certaine pile. Mais, parce que donc, on se plaint du lézard, mais Electro, c'est quand même quelque chose, quoi. Ah, Electro, c'est compliqué. Hein. Electro, c'est vraiment compliqué. Et même le Rhino, à la limite, enfin, c'est pas beau. Surtout quand tu sais, le rhino, enfin, tous ceux qui disent que le rhino, c'est juste un tas de muscles, lisez des fleurs pour rhino. Enfin, Link the Sun en a parlé dans une de ses vidéos, mais on répète. Lisez les arcs qu'il y a autour du rhino, c'est un personnage super intéressant. De toute façon, Paul Giamatti, c'est pas un tas de muscles. Ça, c'était gratuit. Oui, ouais. ça se voit, surtout que ça se ressent pas du tout. Non, et, voilà, en fait, c'est des défauts qui sont hyper flagrants et. Et pourtant, enfin, par rapport au 1, et pourtant, je sais pas, je trouve qu'il a. C'est le film, on dirait que c'est The Amazing Spider-Man 1, mais mature. Il trouve la relation Peter et Gwen beaucoup plus mature, et même avec Harry Osborn, et qui a ses défauts quand même dans l'écriture, je trouve qu'il y a quelque chose, et encore une fois, Mark Webb écrit bien les personnages, enfin, leurs relations du moins, et même avec des personnages. Même il écrit leurs relations, mais pas les dialogues. Voilà, parce qu'avec Electro, autant le personnage est nul, autant la relation entre Spider-Man et Electro est pas si mal, quoi. Bah, le personnage est nul, je suis pas forcément d'accord, parce que je trouve... En fait, je trouve que le personnage est rushé. C'est-à-dire que le film fait 2h20, mais j'ai l'impression qu'autour de ce personnage, il manque 20 minutes. C'est-à-dire qu'il apparaît, il a une scène solo, il est méchant. C'est quasiment instantané. Et c'est un truc... En fait, c'est dommage parce que la première scène où il apparaît est une scène très cool. Ouais, mais c'est un peu un plouc, quoi. Enfin, je sais pas, c'est Electro, quand même, le gars. Oui, mais en fait, je te laisse parler de son arc, quand même, pour expliquer comment il évolue, on va dire, pour qu'ensuite je puisse creuser... Enfin, je vais dire ce qui me gêne dedans, mais d'abord, je te laisse dire ce qui... raconter son arc. Bon, en gros, Electro, donc Max Dillon, de base, travaille chez Oscorp, et c'est un peu... C'est un peu un marginal, quoi. Il est tout seul, et il vit tout seul chez lui, c'est triste et tout. Et un jour, il traverse la route, et une voiture arrive, et Spider-Man le sauve. Donc, alors qu'en plus, il est très très fan de Spider-Man. C'est vraiment son héros, il s'affiche partout chez lui. Et un jour, il recroise Spider-Man, et il ne. Donc, d'abord, il se transforme en Electro, je crois. Il tombe dans un truc d'anguille. Non, en fait, tu le vois chez lui, qui est en train de. Qui est complètement à frix avec Spider-Man, qui est obsédé par lui, et ensuite il va tomber dans un truc d'anguille pour se transformer en Electro. Donc là il se transforme en Electro, c'est un truc d'anguille qui est ma foi fort original par rapport aux comics. Et qui est super moche d'ailleurs en Electro, enfin, vraiment Electro, son design j'y arrive pas. Hein, c'est... Bah, c'est la version Ultimate, hein. Il ressemble à ça hein, dans les comics. Il ressemble à ça dans les comics, alors j'avoue qu'en fait pour le coup les comics Ultimate, est-ce que tu veux nous dire ce que c'est les comics Ultimate? Je vais pas pouvoir m'étendre dessus parce que je m'y connais pas à fond dedans, mais je sais que Electro, sa version classique avec la vieille étoile jaune, qui c'est vrai que c'est un peu has-been, mais après il y a sa version Ultimate qui est bleue comme ça et qui, certes, c'est moche, mais c'est ressemblant. Bah en fait, Ultimate, de ce que j'en sais, du coup, c'est on va dire, c'est un des univers alternatifs de Marvel où les méchants ont des designs, tous les personnages ont des designs différents, il y a pas mal de trucs différents, et pour le coup, j'aime beaucoup le look de Dr. Octopus en Ultimate. Mais c'est vrai que Electro, là, il est vraiment compliqué. Hein, c'est... Et bref, pour revenir sur son histoire, il se transforme en Electro, mais il n'est pas vraiment méchant. Et un jour, il croise Spider-Man. Et donc, Spider-Man ne le reconnaît pas, il ne sait pas qui il est, il ne fait pas attention à lui. Et du coup, il devient méchant. Grosso modo. En fait, sur le papier, je trouve ça touchant. C'est le côté c'est un trope classique, le côté ignoré qui finalement pète un câble. Mais ici, je trouve ça complètement rushé, et notamment les dialogues, putain. Mais il arrive, il fait, tu te rappelles pas? Non. Ils me tirent pas dessus, ils sont méchants. Enfin, vraiment, c'est waouh. Ok. C'est vrai que c'est. Mais après, même avec Harry Osborn, quoi, il y a ce problème des dialogues. Enfin, ça revient dans tout le film, quoi. Putain, Harry Osborn qui, pendant tout le film, te dit je suis méchant. Dane Dehan, c'est de base un acteur qui a une tête un peu bizarre. Hein. Regardez Chronicle où il a vraiment. Il est méchant. Pourtant. Alors, il peut être bon acteur, mais il faut. C'est un peu comme on en parlait sur, sur The Kingsman, l'acteur qui joue le traître. Il faut pas lui donner des rôles dignes de confiance. Lui, bah, Dane Dehan, voilà, lui donnait pas des rôles de meilleur pote parce que c'est cramé, qu'il a des plans derrière la tête. C'est vraiment genre, ça se voit. Et ouais, je trouve qu'il fait un. Pour le coup, c'est dommage parce qu'après, il fait pas un mauvais Harry Osborn, quoi. Oui, mais pendant tout le film, ils essaient de te dire c'est un pote fiable, alors que. Mais ça se voit qu'il l'est pas, en fait. Oui, oui. C'est dur, comparé à James Franco, ça marche un peu moins bien. Ouais, et d'autant plus, alors, je sais pas toi ce que t'en penses, mais je suis pas du tout fan du redesign du Bouffon Vert. Genre, j'admets que celui de Spider-Man de Sam Raimi a un côté Super Sentai, avec les armures et tout ça. Mais celui-là, il a vraiment un côté juste toxico, en fait, que je trouve assez ridicule. Mais tout le monde s'en plaint. Et je suis une des rares personnes à dire, franchement, moi je trouve ça cool. Parce que. Mais on dirait un junkie! Mais justement, genre, dans Sam Raimi, c'est une armure, le Bouffon Vert, je sais pas, moi j'ai envie de voir un vrai Bouffon Vert qui se transforme et tout. Et là, ils l'ont fait, c'est pas trop moche. Mais on dirait que le mec, il va te refiler une pipe à crack. Oui, non mais. Oui, d'accord. Ok. Mais pour le coup, je trouve pas ça trop moche par rapport à Electro. Et tu le reconnais. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a de l'idée, on va dire. Oui, il y a de l'idée, je pense. On le voit pas tant que ça. Faudrait le voir sur. Tu vois, si on a eu The Amazing Spider-Man 3, on l'aurait sûrement plus vu. Et j'aurais été curieux de voir ce que ça donne, tu vois. Genre, bah, je trouve pas incroyable comme design, mais je trouve pas ça non plus horrible. Non, je vois ce que tu peux dire. Je vois ce que tu peux dire. Après. Sur The Amazing Spider-Man 2, moi, quelque chose qui me fait tiquer, on va dire, c'est qu'au global, on a un film qui a des moments, pas de grâce, mais qui a des vraies qualités. À nouveau, pour moi, c'est dans ce film-là que Andrew Garfield est le meilleur en termes de performance pour jouer Spider-Man. En fait... Je trouve que, pour moi, les dialogues flinguent absolument tout. C'est-à-dire que tout, pour moi, dans ce film, prend en ampleur. C'est le fait que Oscorp devient, entre guillemets, le repère. C'est-à-dire tous les méchants viennent d'Oscorp et tout se trim à Oscorp, on va dire. C'est-à-dire la grosse organisation méchante. Tu vois des personnages qui sont censés prendre en ampleur. On a parlé de Felicia Hardy, mais qui était censée devenir Black Cat. Tu vois tout ça, t'as le dilemme de Peter Parker où tu vois, bah, il veut aimer Gwen Stacy, il veut être avec elle, mais il a le fantôme du Capitaine Stacy qui lui apparaît régulièrement. Mais les dialogues, bah, c'est-à-dire que au début, Gwen quitte Peter, et ça se veut fort en émotion et tout ça. Honnêtement, j'avais l'impression de voir une embrouille de collégiens, donc ça. Je voulais y croire sincèrement, mais je me dis non, c'est pas possible. C'est un peu le cas, c'est des lycéens après tout. Oui, mais ils sont pas obligés de me le faire ressentir comme tel. Enfin, ils peuvent donner, on va dire, une intensité à ça, là où c'est à deux doigts du ridicule, quand même. Et tout ce qui a été posé se conclut ici. Donc, je pense, je n'aborde. Tu remarqueras que je tourne autour du pot, je parle pas encore de la scène. Non, mais. Un point avant, de toute façon. Mais elle sera pour toi. Mais j'aurais aimé l'adorer, surtout que j'ai un ami qui est très très fan du film. Pour lui, c'est le meilleur Spider-Man. Mais j'étais toujours rattrapé par des détails qui me faisaient tiquer, qui m'empêchaient d'accrocher, que ce soit des jeux d'acteurs un peu douteux, des dialogues un peu nuls, et surtout, le design d'Electro, évidemment, je passe dessus. Et là, dubstep, C'est-à-dire Electro qui fait de la dubstep. Ça, ça a été le... Ah, ça m'a crispé. J'ai trouvé ça très très nul, vraiment. Bah, ça sert à rien en plus. Bah, c'est-à-dire que c'est à la fin, il a Electro se retrouve dans dans un générateur avec des grandes piles et se téléporte de pile en pile globalement, et en fait ça fait à chaque fois des bruits de dubstep, ça sert à rien, c'est assez nul, donc ouais, globalement c'était pas foufou. Voilà, je te laisse redonner ton avis sur le film. Moi j'ai revenu sur deux trucs que je trouve bien. Le premier, c'est que le film est plus impressionnant niveau scène d'action. Ah oui. Le Times Square, que je trouve vraiment bien faite. Comparé au 1, on a vraiment plus de scènes d'action, et quand elles sont là, je n'ai pas grand-chose à dire dessus, à part la dubstep. Mais sinon, elles sont nettes, elles sont précises, elles sont bien faites. Et donc, voilà, côté plus impressionnant. Et un autre truc, quoi, c'est souvent lié aux films de super-héros, c'est bourré de références de partout, ou même des personnages comme disait Alistair Smith ou... Il y en a d'autres, hein. Vous voyez la chatte noire, mais jamais ça insiste dessus. C'est jamais lourd avec ça. C'est soit t'es fan et tu connais, soit tu l'es pas et tant pis, tu passes et pas à côté. Et tu t'en fous, ouais. Pas comme c'est lequel, c'est Homecoming où il y a le scorpion, un gros tatouage de scorpion. Eh, hey, coucou, je suis le scorpion. Genre, ah putain, oui, ça, c'est vrai que c'est pas trop subtil. Voilà, et là, c'est jamais lourd avec ça, et ça fait plaisir, quoi, parce qu'un vrai fan prend du plaisir, mais sans jamais qu'on lui dise, hey, regarde, il y a lui, regarde, genre non, ça passe franchement très bien. Bah, ça oui, et après, tu as dit, les effets spéciaux, pour le coup, sont vraiment très, très, très impressionnants. Ça, c'est vraiment... Et le costume de Spider-Man est cool aussi, le costume est vraiment cool. À part Electro, hein, c'est pas très beau. Ah, Electro, c'est compliqué. Mais, est-ce que tu veux... arriver sur le point du film, finalement, la clé, finalement, ce que j'ai dit, tout le 1 et tout le 2, globalement, menait à cette scène. Et ben oui, attention, spoiler, hein, mais spoiler, je crois que tout le monde la connaît quand même, celle-là. Ouais, c'est pas depuis No Way Home, en fait. Voilà, la scène de mort de Gwen Stacy, quand même, qui était attendue, cela dit. Hein. Mais si on connaît un peu les comics, on s'en doute. Bon, mais c'est quand même... comme un gros moment clé du film et qui est pour le coup bien fait aussi. Bah, je laisse décrire éventuellement la scène quand même, parce que vraiment c'est une scène assez forte. Et bien, donc je suis dans un clocher, je crois. Ouais. C'est un combat entre Spider-Man et le Bouffon Vert. Et Gwen Stacy est là et arrive le moment où elle tombe à cause du Bouffon Vert. Au ralenti en plus, on manquait dans les ralentis. Et Spider-Man essaie de la rattraper avec sa toile, et il n'y arrive pas vraiment, et elle cogne par terre. Alors non, j'ai vérifié, elle ne cogne pas. C'est le choc de la... Ouais, en fait, tu sais, donc la toile qui part et qui forme une main pour attraper, ouais. c'est pas subtil, mais vraiment, si on a un cœur, ça touche. Forcément, il faut admettre que même si les films ont énormément de défauts, cette scène fonctionne. Moi, j'ai pas de cœur. Non, mais t'as rien, toi. En gros, et en fait, c'est lorsque la toile l'attrape, c'est l'impact sur sa nuque qui va lui briser la nuque, en fait. Ok, moi, je croyais que genre il l'arrêtait, mais que la tête cognait quand même. Mais bon, dans ce cas, elle serait morte, de toute façon. Donc, Mais ouais, donc globalement, c'est vrai. Mais, en fait, ce que j'aime aussi beaucoup dans cette chaîne, dans cette scène, c'est ça arrive vraiment à créer une émotion assez forte, c'est-à-dire que déjà les acteurs évidemment, et tu vois, enfin jusqu'au bout, tu peux te dire il va l'avoir. C'est No Way Home, à tout hasard, tu sais que quand Zendaya tombe, il va l'attraper, c'est sûr. Enfin ça se voit, je sais pas, il y a pas de tension. Et oui, alors que, si on connaît un peu, comme je disais, on sait ce qui va se passer, mais c'est vrai que quand on connaît pas, il y a ce côté quand même assez impressionnant de se dire oh oui, quand même, ça prend des pas que ça prend des risques, mais ça parce que ça te flingue une tête d'affiche et un des persos principaux dès le deuxième film. Oui, c'est vrai, vu comme ça. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai perçu, et en fait, ce que je trouve vraiment bien, c'est tu sens que vraiment tout menait à ça. C'est-à-dire que la promesse, et là je peux revenir sur ma scène préférée du 1, toute la promesse faite au Capitaine Stacy, mené à cette scène. C'est-à-dire le fait de laisse-la en dehors de ta vie. Et au final, elle a voulu l'accompagner, elle a voulu entrer dans sa vie. Et finalement, elle y a laissé la sienne. Et donc après, enfin, j'aurais adoré voir un The Amazing Spider-Man 3 où tu vois justement Peter qui doit composer avec son deuil de Gwen. Je trouve ça vraiment... D'autant plus qu'après, dans les comics, tu l'as dit, ça mène à l'arc des clones, qui est peut-être un des arcs les plus terribles, enfin le premier en tout cas, un des plus terribles qu'on ait pu voir. Donc, non, vraiment, c'est une scène assez, assez forte. Donc, quelque chose d'autre à rajouter sur The Amazing Spider-Man 2 ? Non. Alors, sur la musique, donc on en a déjà parlé un petit peu sur le 1, on va vous diffuser le thème d'Electro, parce que, oui, alors moi, la dubstep, j'ai rien contre ça, hein, au contraire, j'aime beaucoup ça. Dans le film, ça fait bizarre, mais en revanche, la musique composée par Electro, enfin, pour Electro, pardon, c'est totalement du Junkie XL. Je veux dire, c'est évident. Et d'ailleurs, je soupçonne vraiment que Zimmer ait juste mis son nom sur la BO, hein, parce que la BO, pour l'avoir écouté en entier, Junkie XL, je l'ai pas vu. Hein. Enfin, Zimmer, je l'ai pas vu. Mais vraiment, c'est beaucoup de Junkie XL. Et donc, on vous diffuse donc le thème d'Electro de The Amazing Spider-Man 2. Et donc, sur les scènes préférées, tu as déjà parlé de la tienne, donc tu veux que je parle de la mienne ou tu as encore quelque chose à rajouter sur la chute ? Non, bon, on a dit ce qu'il y avait à dire. Hein. C'est une scène sûrement la plus marquante du film, celle qu'on retient. Quoi. Bah, une des plus marquantes de toute la filmographie de Mark Webb, hein, au global quand même. Et alors, sur moi, ma scène préférée, je pense, bah, du coup, je vais te piquer ton truc. Alors, soit c'est la scène de Times Square. La première scène de combat entre Spider-Man et Electro, qui est vraiment assez impressionnante, mais pour ses effets spéciaux, ou les scènes de Voltige, pour le coup, qui sont vraiment, que je trouve encore plus abouties que dans le 1, plus belles, plus maîtrisées, et avec le costume qui a été un peu retravaillé. Vraiment, je trouve les scènes de Voltige de The Amazing Spider-Man 2 assez cool. Voilà, pour le coup, c'était juste ça ma scène. Mais c'est bien, enfin, c'est quelque chose d'important quand même quand on fait un Spider-Man. C'est un peu toi, en fait, n'est-ce pas le MCU ? Non, mais il court dans des jardins. Du coup, ça va. Il n'y a pas d'arbres. Ok. Et donc, à toi, sur la VF ? Alors, la VF, on a déjà parlé sur Jamie Foxx et Jean-Baptiste Amounon. Qui est la voix plus ou moins habituelle de Jamie Foxx, de Michael B. Jordan, d'Anthony Mackie. Et sur Damien, on a Julien Alouf, qui n'est pas très très connu, mais qui a fait la voix de Charlie Hunnam dans Le Roi Arthur, ou la voix de Bumblebee dans Bumblebee. Quand même quelque chose d'assez improbable. Bah, faire la voix de Bumblebee, c'est cool. Voilà, et en québécois, c'est Xavier Dolan qui fait Damien. Eh ben écoute, ça, c'est plutôt, plutôt chouette quand même. Je suis sûr qu'il doit mieux jouer que Damien en VO. Bah écoute, à voir. La prochaine fois, on le fera en québécois. The Amazon Spider-Man. Spider-Man. Fatal Power. Ok, bah super. Est-ce qu'on peut passer à la suite ? À nouveau, tiens, on aurait pu s'arrêter après 500 jours ensemble. Bah, on aurait aussi pu s'arrêter à partir de là pour moi. Tu veux que je te tue, c'est ça ? Ouais, je te laisse annoncer le film suivant. Le film suivant, donc ce chef-d'œuvre qui est Marie, ou Gifted en VO. M'oblige pas à y aller, tu peux continuer à me donner des cours. Je t'ai enseigné tout ce que je sais. Le sujet est clos, d'accord ? On en a discuté ad nauseam. C'est quoi ad nauseam ? Oh, tu sais pas ? J'en connais une qui doit aller à l'école. Bonjour, mademoiselle Stevenson. Qui peut me dire combien font 3 plus 3 ? Mais tout le monde sait que ça fait 6. Marie, tu veux bien te lever ? Saurais-tu me dire combien font, disons, 135 multiplié par 57 ? Très bien. 7695. La racine carrée est 87,7. Et des poussières. Sinon, ça veut dire quoi, ad nauseam ? Je pense que votre nièce est surdouée. Diane voulait que Marie soit comme les autres, qu'elle ait une vie normale, une enfance. Il y a une dame qui attend devant notre porte. Cette dame est ta grand-mère. Oh merde! C'est un MacBook, chérie. Qu'est-ce que tu fais ici? Marie n'a rien de normal, je peux enrichir sa vie. Il manquait le signe moins devant l'exposant. Marie, pourquoi n'as-tu rien dit? Franck dit que je dois pas corriger les grandes personnes. Les gens n'aiment pas les je sais tout. And leave the valleys. Marie! Marie! Tu l'empêches d'exploiter son potentiel. Non! Non! Quelle est ta plus grande peur? C'est de gâcher la vie de Marie. Marie doit rester dans votre école. Donc, Marie, on va prendre le titre VF, hein, parce que moi, je suis un fan de la VF. C'est, putain, mais sur... le titre VO est tellement mieux. Ce sera Marie pour les Québécois. Je sais pas comment ils l'ont appelé en québécois, je dis ça, mais... Je regarde. Ça me rend curieux. Mais je ne sais pas. Je crois qu'ils l'ont appelé Marie aussi. Ils l'ont appelé Marie. Sûrement. Donc, c'est sorti en 2017, donc 3 ans après The Amazing Spider-Man 2. Avec un scénario de Tom Flynn qui n'a strictement rien fait à part Togo, le film Disney sur c'était William Dafoe, il me semble. Bah pourquoi pas. Voilà, à la photo on a Stuart Dreiberg qui a fait des films de Jane Campion comme La leçon de piano, qui a fait Walter Mitty ou Men in Black 4. Ouais, Walter Mitty c'est très bien, Men in Black 4 ça l'est moins, mais Walter Mitty c'est très bien. Ouais, c'est vrai. La musique, on a Rob Simonsen dont on a déjà parlé tout à l'heure. Au casting, on n'a pas The Chris, on a LE Chris Evans. On a dans le rôle de Marie, on a McKenna Grace, qu'on a déjà vu dans SOS Phantom 4. Ouais, on avait vu dans SOS Phantom 4 et tu m'avais déjà parlé du film à l'époque. Voilà, parce qu'il faut que tu vois, il fallait que tu vois. On a Jenny Slate aussi, qui j'avoue que je ne l'avais jamais trop vu ailleurs, et Octavia Spencer, et qui a eu un petit rôle, mais qui joue du Octavia Spencer, quoi. Et ou encore Lindsay Duncan dans le rôle de la grand-mère. Pour la production, c'est un scénario qui était sur la blacklist, la liste noire de l'année de sortie du film. Donc pour ceux qui ne savent pas, la blacklist, c'est toute une liste de scénarios qui sont considérés comme très bons, mais qui n'ont pas été produits. Et je ne sais pas trop après comment ça marche, si on peut servir dedans comme ça. Tu peux vérifier la liste et il faut que tu arrives avec une interprétation, une proposition qui peut convaincre des studios, mais c'est très très très très très très dur à faire parce que c'est pour avoir déjà pu en voir un ou deux, c'est vraiment des trucs, mais c'est tu te demandes comment c'est possible en fait, c'est vraiment très très dur à faire. Et c'est souvent des films à Oscar apparemment, statistiquement. Oui, c'est souvent des trucs. Bon, tu sens que quand ils ont fait le film, ils se sont dit les gars, cette fois c'est la nôtre. C'est ça. Donc c'est un film sur le pour l'histoire, c'est donc Marie, qui est la nièce de Chris Evans, et une surdouée en mathématiques. Donc on a d'à côté son oncle qui veut la garder, faire une enfance normale, une école normale, et pas exploiter ça, et sa grand-mère qui elle souhaite l'emmener dans des instituts. Est-ce que tu as donné l'âge de Marie? De mémoire, j'aurais dit 8 ans, mais je sais. Ouais, 7-8 ans dans ces eaux-là. Je te laisse démarrer. Et parce qu'elle a 7 ans, elle est surdouée, et voilà, donc c'est un peu le combat entre la grand parce que la mère est décédée, je le précise, et donc c'est le combat entre le frère de la mère et la grand-mère. Pour l'anecdote, donc c'est un film sur les maths principalement. Il y avait un consultant en mathématiques, Jordan Ellenberg, qui était lui également enfant prodige, qui est mathématicien et professeur. Donc le film a été fait quand même en connaissance de cause, ils sont vraiment penchés sur la question, c'est pas fait juste pour être fait. Et voilà ce que j'ai à dire sur le film, et que Mark Webb avait un père qui travaillait dans les mathématiques aussi. Donc comme quoi... Tu veux que je démarre ou... Ouais, j'attends que ça. Allez, vas-y. Bah alors déjà, tu me dis qu'il y avait un consultant en mathématiques. Ça me fait doucement sourire parce qu'en soi, genre, je ne vais pas dire que c'est accessoire, mais tu as une histoire d'un problème irrésolu au cœur de l'intrigue, mais c'est jamais montré comment ils l'ont fait ou quoi. Donc au final, tu vois, genre, ça se voit pas forcément qu'il va être consultant. C'est normal, il est irrésolu, on peut pas le résoudre. Oui, alors, de toute façon, tu peux tout faire, mais ce que je veux dire, c'est que t'as pas vraiment de grosse scène qui met en avant les maths, c'est ce que je veux dire. Oui, parce que juste pour expliquer, en gros, il y a les prix du millénaire, qui sont 7 de tête, c'est des prix, des problèmes mathématiques où on charge des démonstrations, et si on les réussit, on gagne une prime de, je crois que c'est $1 million, et sur les 7, il n'y en a que un qui a été résolu, c'est la conjecture de Poincaré. Et dans le film, il parle de l'équation de Navier-Stokes, donc, qui, pour le coup, n'est pas résolue dans la vraie vie, et là, ça tourne autour de ça. Donc, pour le coup, on ne peut pas vraiment montrer la résolution du problème, puisqu'il n'est pas résolu. Ouais, c'est ça. Et donc, pour le coup, j'aurais voulu adorer ce film, hein, sincèrement. C'est-à-dire que je le vois, je me dis, j'aurais voulu adorer. Et au début, ça démarre pas trop mal. C'est-à-dire que Chris Evans joue vraiment plutôt pas mal. C'est-à-dire que j'étais quasiment même surpris de voir à quel point il arrivait à ne pas être Captain America, tout simplement. Alors, enfin, il est quand même tanké, mais c'est... enfin, le truc, c'est une machine de guerre. Hein. Vraiment, il est tanké, mais c'est waouh, quoi. Tu découvres enfin mon amour pour cet acteur. Ah, mais pour le coup, il est vraiment plus étonnamment bon. Même si c'est dans un rôle très... une composition très oscarisable, on va dire. C'est... ce qu'on va appeler les rôles à Oscar, finalement. Et alors, McKenna Grace, au début, je me suis dit, bon, elle joue pas trop mal, mais elle m'a vite tapé sur le système. C'est-à-dire que, tu sais, en cours, quand elle est ultra prétentieuse, là, parce qu'elle s'ennuie... C'est son rôle. Mais après, je trouve qu'elle le fait super bien. Pour ah, mais elle m'a énervé. Et en fait, donc, le film se suit plutôt pas mal. C'est-à-dire, il dure 1h40. Pendant, bon, allez, 20-30 minutes, il n'était pas trop mal. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était vachement sur des rails. C'est-à-dire que j'arrivais à... Bah, c'était très convenu, c'était pas très surprenant. C'est très inoffensif, hein, c'est-à-dire que je vais pas non plus dire si c'est de la merde ou un truc comme ce qu'on a pu avoir dans d'autres cas, tu vois. Mais c'est-à-dire que il a vraiment un pathos avec genre, les violons à la musique. Enfin, la musique, on en parlera plus tard, mais voilà. Et ça, mais après, ce qui est vrai, c'est que déjà les dialogues, pour le coup, sont vraiment pas si mal écrits. C'est même plutôt étonnant, c'est-à-dire les dialogues font naturel. McKenna Grace, c'est vrai que son personnage m'énerve, mais il faut admettre qu'elle elle joue vraiment super bien. Ouais, et pour son âge en plus. C'est ça, et le scénario a quand même le mérite de mettre en avant la question de comment est-ce que tu éduques un enfant surdoué. Est-ce que tu mets en avant le fait qu'il soit surdoué au risque de l'ostraciser entre guillemets par rapport à ses camarades, ou est-ce que au contraire tu essaies de lui donner une enfance plus normale entre guillemets? À voir. Mais donc globalement, c'est pas un truc que je dirais qui est nul, clairement pas. Est-ce que c'est un truc que je reverrais, que je mourrais sur une colline pour le défendre? Sûrement pas. Mais au final, c'est assez inoffensif. C'est-à-dire, ça se regarde, tu fais bah, c'est sympa. C'est vraiment très très typé pour les Oscars, taillé pour ça. Tu vois, c'est bien fait. Mais tu vois, c'est pas un mauvais moment. Mais est-ce que j'irais à nous? Est-ce que j'irais le défendre? Je me relever la nuit pour le défendre? Je ne pense pas. Voilà, je te laisse maintenant clamer haut et fort ton amour pour ce film. Alors, et pour un peu de contexte, et alors tu vas être dans un peu ce cas-là aussi, les maths, je baigne dedans, quand même. C'est pour faire une licence de maths, et même si je ne suis pas fan, c'est quand même les maths, voilà, ça me parle, on va dire. Ouais. Et donc, ce sujet des maths, disons que ça aurait été peut-être sur de l'histoire géo, je t'aurais fait « mouais ». Mais du coup, sur des écrivains, ouais. Et là, du coup, ça me parle un peu plus. Et c'est pareil, c'est un genre de film. Je suis pas le plus grand fan de ça en général. C'est pas mon truc. Pas histoire vraie, mais c'est pas une histoire vraie. Mais les drames, quoi, les drames sociaux. Mais là, pourtant, en fait, le film m'a pris dedans. Mais en fait, j'ai accroché au personnage. Et même si, effectivement, je te rejoins sur le côté très balisé, où on sait vraiment comment ça va finir, de toute façon. Disons que genre 1h40, au bout de 50 minutes, tu vois la fin, en fait. C'est... La fin, parce que le coup de la scène de fin où il sort la thèse, devant la grand-mère, je ne voyais pas forcément venir, tu vois. Enfin, de ce qu'elle a dit. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, je vois bien. Bah, puis on y va, on spoil. Hein, c'est que globalement, en fait, tout le film, tu as dit, tourne autour de la résolution du problème. Alors, j'ai plus le nom en tête, my bad. Navier Stock, voilà, c'est ça. Et en fait, la grand-mère veut que Mary, du coup, résolve le problème pour que son nom, il y a la gloire, etc. Et en fait, elle se rend compte que sa fille a déjà résolu le problème, donc la mère qui est morte, mais que elle ne voulait pas le publier avant la mort de la grand-mère pour éviter la surexploitation, bref, pour éviter tout ça. Donc, cette technique incroyable, elle voulait publier post-mortem, la grand-mère qui répond, mais elle, ça fait 5 ans qu'elle est morte. Et Chris Evans qui répond, elle parlait pas d'elle. Et juste ça. Ouais, mais et pour le coup, Chris Evans, enfin vraiment, j'avoue que j'étais vraiment assez. Enfin, t'en parleras sûrement beaucoup mieux que moi, mais j'étais vraiment assez impressionné par son jeu d'acteur que j'ai trouvé vraiment. C'est pas non plus un acteur dont à nouveau que j'ai suivi la carrière partout, mais il arrive à dégager quelque chose. Et moi, j'ai bien aimé son rôle. Bah, c'est un rôle qui est vraiment sur des rails, mais j'ai bien aimé son rôle donc le sympa qui répare des bateaux et qui a un chat avec un seul œil que j'ai trouvé absolument adorable. Voilà. Et alors, pour suivre de très près la carrière de Chris Evans, justement, en fait, on c'est une phrase que vous n'entendrez pas dire tous les jours. on le connaît principalement pour Captain America et chaque fois je le dis, il joue bien Captain America, mais c'est dommage parce qu'on le voit. De le résumer à ça. Voilà, parce que donc Marie, alors c'est un petit rôle, mais dans Scott Pilgrim, il fait quelque chose de complètement différent. Il le fait très bien. Et en fait, il a une palette assez. Il peut jouer d'autres choses que Captain America, des trucs un peu moins. Bah, il avait joué dans le film de Rian Johnson, comment il s'appelle? Le Cluedo, là. À couteau tiré, mais c'est pareil, ça change un peu. À couteau tiré, voilà, avec Ana de Armas. Il est plus antipathique, on va dire, et il le fait bien à chaque fois. Il n'y a pas un film où il joue mal. Alors, c'est souvent balisé, mais je trouve ça dommage de le limiter juste à Captain America alors qu'il peut faire d'autres choses. Et ce film, on est là. Bah, déjà, je suis complètement d'accord avec toi parce que vraiment, ce film, enfin, j'avoue que je l'ai vraiment, bah, je l'ai dit, mais je l'ai vraiment découvert. Et en revanche, quelque chose qui me fait rire, c'est que il a une tête de bon gars en fait, c'est-à-dire que. Bah, tu le regardes, tu te dis, j'ai envie de me faire un barbecue avec lui. C'est ce que je me dis tous les jours, tu vois. Non, mais vraiment, donc ça m'a donné envie de voir d'autres films avec lui pour le coup, parce que au-delà de ces Captain America, j'entends, parce que après moi je le connaissais aussi, enfin je l'avais vu dans Snowpiercer, il était dedans, et l'autre chose pour laquelle je le connaissais, c'est, littéralement, c'était le clip de Marilyn Manson. C'est de Sweet Dreams, il me semble qu'il est dedans. Et c'est dans The Sex Academy, ça. Bah écoute, tu connais mieux que moi ça. Après, il avait joué. Bah non, j'exagère. Il avait joué dans Les 4 Fantastiques. Dans Sunshine aussi. Ah oui, dans Sunshine, très bien vu, très très bien vu. Et dans Sunshine, c'est un putain d'acteur. Dans Sunshine, hein, vraiment, dans Sunshine, il est très très très impressionnant. Et voilà. Donc voilà, mais vraiment, c'est, bah écoute, bah après Anne-Marie, tu vois, ça reste quand même une découverte plutôt sympa, mais on est globalement, on reste un terrain connu, on va dire. Disons que je préfère, on va dire, tu vois, quand vous regardez Marie, disons moi un autre film sur les maths que j'adore pour le coup, c'est Imitation Game. Je sais pas si t'as pu le voir. Non. Bah c'est un film donc, qui est fait par Morten Tildum, qui a fait aussi Passengers. Je sais pas si t'avais pu le voir ça. Ah non, mais ça pour le coup, ça m'intéresse pas vraiment. Donc. Ah, c'est Passenger, c'est compliqué. Hein, c'est justifier le stalking. Et en fait, Imitation Game, alors j'adore la musique. Je trouve la musique d'Imitation Game assez, assez géniale, faite par Alexandre Desplat. Et pour le coup, Imitation Game met beaucoup plus en avant le côté mathématique ou comment résoudre un problème. Là où dans Marie, c'est assez accessoire. Après, je soupçonne que pendant le film, ils aient fait. Ils se soient dit, on va rester simple, on va dire. C'est genre pas trop creusé, pas trop de maths, tu vois. Après. Et parce que, mais après, ça fait. Je pense que ça vient de ce que fait Mark Webb, parce que, encore une fois, les persos sont bien écrits. Et, ah, Mais les persos et leur relation entre eux, entre Chris Evans, la grand-mère et la petite fille, ça fonctionne super bien et ça arrive à avoir des scènes touchantes. Je pense Allez, bah, à... les relations sont vraiment très très bien écrites. Voilà, je pense notamment à la scène de la famille d'accueil qui est quand même assez explicite. C'est non, pour le coup, bah, c'est vraiment le Ah oui, et dans cette scène, McKenna Grace, elle est bluffante. Hein. Vraiment, c'est tu la vois vraiment déchirée par le départ de Chris Evans. Vraiment, c'est très très très impressionnant. Hein. On parle de Chris Evans, mais oui, de McKenna Grace, c'est vraiment pas en reste. Hein. C'est très vraiment très très chouette. Voilà, donc arrêtez de vous pavaner sur c'est que joue Eleven dans Stranger Things. Il y a quand même mieux. Oui, merci, on est d'accord. Tu vois, moi, tu noteras que moi, j'ai pas tiré. Tu noteras que moi, j'ai pas tiré. Hein. J'étais juste en mode, elle est bien, je donnais pas de comparatif. Hein. Bon, après, ça va, Millie Bobby Brown, c'est pas la pire actrice du siècle. Ah non, mais elle est quand même mieux, quoi. Oui, c'est vrai qu'elle arrive à avoir un jeu beaucoup plus. Après, il faut donner des bons rôles à Millie Bobby Brown, elle peut sûrement bien jouer, genre Godzilla 2. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ah mon dieu, Godzilla 2. Le nucléaire justifié. On en parlera un jour. Non, non, non, non, non, non, non, on parlera pas. Non, alors, on peut passer à la musique? Ah, on peut. Alors, pour le coup, la musique, bah, c'est pas foufou, c'est pas super, c'est un peu plat, on va dire. On va dire que c'est à l'image du film oscarisable, donc il y a des thèmes sympas à écouter, hein, donc ça va bien avec les images. Mais c'est un peu compliqué. Alors, il y a le thème de Marie qui est pas trop mal, mais un autre thème que j'ai retenu qui est vraiment pas mal, c'est The Test, qui vient du premier contrôle de maths de Marie à l'école, qui est plutôt sympa, mais après au global, c'est pas une BO que je retiens. Donc voilà, on vous diffuse le thème The Test composé par Rob Simonsen. Au passage, avant qu'on arrive sur les scènes préférées, j'ai juste à dire, j'aime beaucoup l'affiche de Marie, voilà. Mais pas la française, celle l'américaine de Gifted, où tu vois, tu sais, le visage de Chris Evans flou, et celui de Marie qui regarde Chris Evans. Je la trouve mignonne, voilà. Est-ce que tu veux nous parler de ta scène préférée? Je te laisse commencer pour une fois. Alors, moi, je vais... C'est... Alors... J'en avais déjà parlé dans l'épisode Barry Sonnenfeld, PTSD. C'est j'adore les chats, mais vraiment, j'adore les chats, j'adore, je trouve ça trop mignon, les chats c'est trop bien. Et j'adore la scène où elle apporte son chat à l'école. Je trouve ça super mignon. Et tu vois, elle est vraiment genre ouais, mon chat il est trop cool parce que c'est mon chat. Et je me suis dit que c'était typiquement un truc que j'aurais pu sortir à son âge. Vraiment, je trouve ça trop chouette. Et ce que j'aime surtout, c'est que ça montre, ça préfigure le rôle que le chat a pour elle, qui à la fin, dans le climax, spoiler, le chat est mis à la... pas à la fourrière, mais au chenil. Ouais. Ça, il va se faire piquer, et tu vois Chris Evans qui vient le sauver au dernier moment, et tu vois d'autres chats qui vont se faire piquer à côté, et moi j'étais en train de me dire « mais non !» Et en fait, bah, tu vois que lui, il ramène non seulement son chat, Fred, dans la voiture, mais il ramène aussi les autres, donc j'ai trouvé ça choupi. Mais donc voilà, la scène où elle présente son chat, et surtout, les acteurs enfants, c'est souvent compliqué. C'est souvent très compliqué, souvent beaucoup de surjeu. Mais là, je la trouvais vraiment très naturelle avec l'animal. Vraiment, tu vois que bah, c'est juste une enfant qui est complètement gaga de son félin. Et je me suis complètement reconnu dans le rôle du... Enfin, je pense qu'à son âge, tu m'aurais dit « ramène ton chat en cours », mais j'aurais été « regardez comme il est trop mignon, c'est mon chat et tout, il est gros et tout, j'adore ». Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette scène où elle présente son chat à ses camarades. Et moi, j'ai choisi la scène de la maternité. Qui, j'ai été avec alors, la scène de la maternité. Ah oui, il l'emmène à... Comme d'hab, Marie et... Comment il s'appelle, Franck. Fred. Non, Frank, Chris Evans. Fred Zecha. Ah, oui, c'est Frank. Et j'ai cru que tu parlais du chat, je me disais, mais attends, mais qu'est-ce que... Ils étaient un peu en froid, et lui, il dit, bah, viens avec moi, il l'emmène à l'hôpital, parce qu'il parlait de... Ah oui, c'est après le... Bon, j'ai le contexte. C'est après le procès où elle a vu son père. Son père est là, mais son père n'est pas passé voir sa fille. En même temps, son père, il s'en fiche un peu, il est parti à la naissance. Donc elle est triste, et lui, il l'emmène à la maternité, et elle voit des naissances, en fait, et les parents heureux. Oui. Et en fait, je trouve cette scène ultra touchante, en fait, parce que voilà, ça montre vraiment la manière dont écrit le personnage, les défauts, mais les limites qu'elle a. Et c'est très touchant de voir aussi bien la fille que son oncle, que sa voisine. Et ouais, c'est une scène qui paraît extrêmement naturelle. Mais surtout, c'est une scène qui est un peu gênant, genre si ton enfant vient naître et t'as une petite fille qui arrive qui te fait un câlin, c'est juste un peu bizarre. Mais bon, voilà. Ouais, mais pourquoi pas. Après, c'est vrai que ça peut, surtout, c'est une scène qui est anodine, tu vois, c'est pas appuyé, genre regarde comme ils sont heureux, tu vois, parce que souvent ça peut, on dit, ça peut virer au pathos, et le film a vraiment des scènes où ça tourne quand même pas mal au violon, hein, c'est. Est-ce que moi c'est quelque chose que j'apprécie pas, après je peux comprendre qu'on aime bien, mais globalement ça reste quand même un film assez chouette à voir, et surtout si vous voulez un film à voir en famille, je pense que je recommanderais celui-là plutôt que 500 jours ensemble, parce que 500 jours ensemble, la structure non linéaire peut un peu déstabiliser, là où ça vraiment ça se regarde tranquillement un soir, c'est vraiment un moment plutôt sympa à passer, donc voilà. Oui, et sur un sujet pas forcément évident en plus, qui ne va pas toucher grand monde sur papier, mais qui arrive pourtant à être adapté au grand public. Exact. Donc, sur la VF du film, est-ce que tu veux... Je te laisse nous faire le point. Alors, j'en ai déjà parlé, mais sur Chris Evans, on a Alexandre Gillet, qui est la voix de Chris Evans, Elijah Wood, Ryan Gosling de temps en temps, et je crois que je ne l'avais pas dit. Et si je l'ai dit, je le répète parce que je trouve ça incroyable. C'est la voix de Pinocchio dans Shrek. Voilà. Quoi ? Ah, la voix de Chris Evans. C'est je ne suis pas sûr que tu l'avais dit. Et bien alors, la voix de Chris Evans, c'est la voix des Pinocchio dans Shrek. Dans tous les Shrek. C'est Pinocchio. Oh non. Et sur McKenna Grace, on a Levana Solomon, que les Françaises. Qui en fait, c'est très très rare, je tenais à le dire, parce que souvent les enfants, notamment dans les films d'animation, sont doublés par des femmes, qui ont du coup des voix assez aiguës aux enfants. Donc par exemple, pour prendre un exemple vraiment bateau, les Simpsons, tous les enfants, c'est des femmes. Mais en plus, il y en a 4 en tout. Et là, pourtant, non, c'est doublé par donc Levana Solomon, qui est dans 2005, donc qui a l'âge de McKenna Grace, qui a fait d'autres rôles, qui a doublé Pectin dans Astérix et le secret de la potion magique, par exemple. Ou la petite fille dans The Greatest Showman, et donc voilà, je tenais à préciser que c'est vraiment doublé par une petite fille du même âge, et je trouve l'effort vraiment bien, et ça se ressent. Eh ben écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu es prêt pour aborder donc le tout dernier film de ce corpus? Belle chose, on aurait pu me dire on s'arrête là, mais j'aurais pas dit non, et on a pas le choix. On peut préciser qu'avant ça, Mark Webb aura participé à des séries télévisées. Il aura notamment fait créer le pilote de Crazy Ex-Girlfriend. Il aura participé à la série télé Limitless, qui était basée sur le film du même nom. Série télé qui est très nulle d'ailleurs, très très naze. Le film est pas Il aura fait... Ah, le film, c'est un plaisir coupable, perso. Mais le film me fait rire parce que genre, je suis plus intelligent, donc je sais courir plus vite. C'est quelque chose que j'ai trouvé très très drôle. Après ça, après le film dont on va parler, il aura notamment fait des épisodes pour The Society ou Why Women Kill. Rien de bien impressionnant. Avant d'aborder le dernier film aussi rapidement, il aura fait deux courts, Seascape et LA Suite, qui sont pas ultra intéressants, honnêtement. C'est coloré, c'est sympa, mais ça va pas plus loin. Mais donc, la même année que Mary, d'ailleurs, 2017 toujours, elle aura donc fait Liaison à New York. New York a perdu son âme. Oh, il ne supporte plus sa ville natale. Et il y a une boutique Varvatos à la place du club CBGB. C'est vrai. Le seul endroit où ça vibre encore aujourd'hui, c'est Philadelphie. W.F. Gérald, je viens d'emménager au 2B. Thomas Webb. Pourquoi tu es si troublé, Thomas? J'ai eu une mauvaise journée. C'est quoi son nom? Je suis dingue de toi. Moi aussi, je t'aime, mais... Ne dis surtout pas qu'au mamie. Pourquoi? Pourquoi ça serait mal? Comment t'y prendre? Il faut qu'elle réalise qu'il y a une chose encore plus effrayante que d'être avec toi. Laquelle? Ne plus être avec toi. Comment je peux arriver à ça? Laisse la vie prendre le dessus. Trouve le bon créneau et fonce. Qu'est-ce que mon père fait ici? Il est avec qui? J'en sais rien, mais c'est pas ma mère. C'est elle, l'autre femme. Excusez-moi, vous savez pas qui je suis? Si, je sais. Ah ouais? Vous n'arrêtez pas de me suivre. Vous êtes le fils d'Ethan. Vous voulez qu'il se sépare de ma mère? Vous pouvez avoir n'importe quel homme. Ah oui, même vous? Quoi? J'ai jamais rencontré quelqu'un comme elle. La façon dont on se présente trahit souvent nos envies. Ah ouais? Et moi j'ai envie de quoi là? Faire l'amour avec moi. Faire l'amour avec vous? C'est vrai? C'est quoi ce genre de question? C'est une très belle femme. Elle couche avec mon père. Tu peux être plus discret. Tu es candide, Thomas. Tu ne sais pas comment le monde fonctionne. Je sais au moins un truc. C'est quoi? T'as couché avec elle? Ça te regarde? Tu veux qu'il se passe quoi dans ta vie? Il y a quelque chose que je devrais savoir? Quelque chose que tu as à me dire? Tu fais ça pour autre chose. Je peux savoir quoi? Par provocation. C'est parti en vrille. Tu es exactement comme eux. Ils ont gagné, Thomas. J'essaie de m'en sortir. J'y arrive pas. Tu le sais bien. Le seul moyen, c'est d'aller jusqu'au bout. La vie est autant faite de hasard que de choix. Le grotesque côtoie le tragique. T'y feras pas exception. Et donc, Les Jeux à New York, ça sort en 2017. En France, en 2018, directement en DVD. C'est un film qui sera du coup passé extrêmement inaperçu. En VO, qui est quand même un titre, encore une fois, ça m'arrache de le dire, mais c'est un titre quand même mieux et plus en lien que le film, c'est The Only Living Boy in New York, qui est tiré d'une chanson de Simon Garfunkel. Au scénario, on a Alan Subtil. Loeb. Subtil. Au scénario, on avait Alan Loeb, qui a pas fait grand-chose, qui a fait notamment Rock of Ages, le film avec, sur les légendes de rock avec Tom Cruise, que je sais que tu n'as pas vu. Alors, photo... j'ai vu quelques extraits, je vais pas te mentir, j'étais gêné. Oui, c'est ni bon ni mauvais, c'est pas. Tom Cruise qui reprend du Bon Jovi, c'est waouh, c'est il chante pas mal de basse Tom Cruise, hein, mais là vraiment c'était un sommet de malaise pour moi. La photo, on retrouve Stuart Freiberg qu'on avait déjà vu donc juste avant. À la musique, on reprend Rob Simonsen, parce que quitte à faire deux films quasi une même année, autant prendre la même équipe. Quitte à faire deux BO de merde, autant prendre la même équipe. C'est un brochet qui existe depuis 2012. Et oui. Et ça doit être Miles Teller dans le rôle principal. Je ne suis pas entièrement d'accord, je dirais plus exactement que le projet de scénario existe depuis 1967, soit l'année de sortie du lauréat. Voilà. Oui, ok. Donc, si tu vois où je veux en venir. Je vois très bien. À la place, on a eu Callum Turner. Callum Turner, qui je ne connaissais que sous les Animaux Fantastiques. Il n'a aucun charisme. Aucun charisme, mais plus que dans les Animaux Fantastiques, je trouve. Je préfère le voir là-dedans. Mais alors... donc, on a Callum Turner, on a Kate Beckinsale qui revient de temps en temps faire des films, apparemment. Elle a joué dans Van Helsing et juste ça, t'as pas, c'est trop bien. Oui, mais disons qu'on la voit rarement quoi, sur grand écran dans des grands films, on va dire. Et c'est pas le remake de Total Recall qui va me faire dire le contraire, ok. Ah putain, elle a joué dans le remake de Total Recall. Ouais. Et oui. Putain, j'avais pas. Dans Aviator aussi. Et enfin, moi, j'ai jamais trop. Je crois que c'est le premier film que je vois d'elle en plus. si je dis. Bah non, mais je te dis, elle a joué dans. Elle a joué dans Van Helsing. Bah après, elle a joué dans. Il me semble qu'elle a joué dans Pearl Harbor aussi. De Michael Bay, qui est un film que moi j'aime bien, mais qui est très très très pathos aussi. Mais bref, je te laisse continuer. Et pour les deux autres grands rôles, on a Pierce Brosnan, donc James Bond, entre autres, et le dude, Jeff Bridges. Il fait des films de temps en temps aussi de notre temps, voilà. Mais qui sont dans un de ses pires rôles. Oui, mais c'est toujours un plaisir de voir Jeff, tu vois. C'est vrai, c'est toujours cool à voir. Et ça coupe l'histoire de. Enfin, qu'est-ce qu'il faudrait en résumer ça? C'est plein de. C'est le personnage de Tom Webb, je crois qu'il s'appelle. Ouais, Tom. Thomas Webb, qui se rend compte que son père a une liaison avec Johanna, et lui va se mettre à avoir une liaison avec Johanna, et en même temps, il rencontre Jeff Bridges dans son immeuble. Ça tourne autour de ces personnages. Et mon avis va aller très vite. J'ai pas trouvé ça non plus horrible, mais. Enfin, j'ai pas passé un non plus très mauvais moment, mais. Ouais, c'est très linéaire et voilà, quoi. Mais. En plus, j'ai pas envie d'être négatif parce que je trouve que malgré le scénario aux fraises, il y a quand même. Ah, t'en fais pas, ça arrive. Ah, le négatif, il arrive. Il y a d'autres points positifs, genre la caméra, quoi, la réalisation de Mark Webb qui passe, quoi. C'est toujours lisible, c'est pas moche. Et... Voilà. Oh, putain. C'est tout. Alors, je te trouve bien magnanime quand même, parce que alors moi, j'ai fait un truc, normalement, je fais jamais ça, mais je ne l'ai pas fini en une fois. C'est-à-dire que je m'y suis pris sur 2-3 jours quand même. Alors, le machin, il fait quoi? Il n'est pas long en plus. Genre, il me semble qu'il fait que... Voilà, il fait 1h28, ça. Mais j'ai trouvé ça juste tellement convenu. Et je veux dire, autant Merritt avait quand même genre le charisme et la sympathie naturelle de Chris Evans. Là, t'as rien. Je trouvais que l'acteur avait aucun charisme. Vraiment, je trouvais ça assez dramatique. J'ai trouvé ça limite gênant tellement c'était repompé sur le lauréat. Mais vraiment, tu vois, c'est-à-dire que ça s'en cache quasiment pas. Tu vois ça, t'es en mode. Ça se voit quand même, les gars, ça se voit vraiment. Après ça, j'ai trouvé ça vraiment très très chiant et limite gênant par moments. C'est-à-dire que Kate Beckinsale, c'est pas une mauvaise actrice, hein, mais c'est. J'ai trouvé que là, elle était horrible dans son rôle. Pierce Brosnan, ses choix de carrière post-James Bond, c'est quand même vraiment compliqué. Hein, c'est-à-dire que. Pierce Brosnan, si je prends ses choix de carrière post-James Bond, alors laisse-moi juste le temps d'aller sur la liste, hein. hop là, je suis sur IMDB. Voilà, bon, il a quand même Mamma Mia 2, hein. c'est quand même un bon moment, quoi. Il a quand même, il a fait un Rémi Harlin, qui, alors attends, il faut que je te retrouve le nom, voilà, mais il avait fait un film avec Rémi Harlin qui était très nul, hein. Vraiment, il était très mauvais. The Misfits, voilà, je cherchais The Misfits. Non, globalement, c'est... Il a un rôle... j'exagère, il me semble qu'il a un rôle dans un... Il n'a pas un rôle dans un Edgar Wright Ça me dit rien, là, comme ça. Je suis en train de regarder. Si, dans Le Dernier Pub Avant la Fin du Monde. Il a un petit rôle. Voilà. Il a un mini-rôle dans Percy Jackson et le Voleur de Foudre. Enfin, ouais, super, quoi. Non, mais je me rappelle, c'est pas un petit rôle dans le dernier pub, c'est quand même un rôle assez important. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu pour le coup, donc voilà. Mais ouais, globalement, Pierce Brosnan, voilà. Jeff Bridges, il fait du Jeff Bridges. Il le fait bien, hein, mais ça reste un peu triste. Et globalement, en fait, tu l'as dit, c'est pas mauvais, mais c'est juste insipide. Ça a pas de saveur, ça a pas de. Tu vois ça, tu aussitôt terminé, aussitôt oublié. Vraiment, se dire, ça ressemble vraiment au lauréat, c'est assez gênant. En termes de narration, c'est pas toujours très clair. Les choix des personnages, tu comprends pas tout. Et globalement, c'est. Waouh, surtout, t'as limite des moments, je me suis dit, putain, on dirait quasiment un polar érotique des années 90, mais pas bien, tu vois. Donc, vraiment, je vois ça, je me dis, putain, t'as des bons acteurs, t'as un réal qui a prouvé qu'il était capable de bien faire des persos. Pourquoi tu fais ça, quoi? Genre, non, vraiment, tout le film est très très moche. Je trouvais qu'on aurait limite dit du téléfilm. Mais bien sûr, les plans sont toujours, comme je disais au début, c'est fluide, les plans sont longs, c'est jamais c'est lisible, quoi. Tu vois où sont les personnages, tout ça. Après, oui, la photo est pas incroyable. Mais je parle juste en termes bah, de caméra. Mais même sur la réal, j'ai trouvé ça assez pauvre. Hein. C'est-à-dire que 500 jours ensemble, tu avais des idées, tu avais des trucs. Et tu vois, la scène d'intro de The Only Living Boy in New York, c'est un truc dessiné. Donc moi, je me suis dit, ah, c'est cool! Et en fait, pas du tout. J'ai trouvé ça vraiment très pauvre. On est quand même à la limite du téléfilm. Tu vois, t'as aucun truc où tu te dis là, c'est du cinéma. Quoi. C'est... Ouais. Et que penses-tu de ce twist? Où Jeff Bridges est le père de. Oui, parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. J'étais gêné. J'étais gêné. Vraiment, j'étais gêné. Surtout, Jeff Bridges, il n'a pas du tout le même âge que Pierce Brosnan. Donc, c'est horrible, en fait, à voir. Tu vois ça, tu fais vous êtes sûr? Alors, ah non, c'est. Putain, vas-y, je te laisse en parler. Et donc, en fait, tu apprends la fin que Jeff Bridges, c'est le père du héros. Parce que, en fait, tu le sais depuis une heure, mais il faut t'attendre une heure pour avoir le twist. Et, à peu près. Mais non, il n'y a pas besoin d'en parler, quoi. Et tout. Non, mais voilà, honnêtement, ce film, ça a été une déception, mais horrible, quoi. Ça a été. Waouh! Ils n'ont que 4 ans d'écart. Pierce Brosnan, non, ah, bah, putain! Jirudje 72. Il y en a un qui fait un peu plus conservé. Alors, c'est tout. Ouais, ça fait quand même un peu bizarre, quoi. Donc non, vraiment, ce film, ça a été globalement assez difficile pour moi, je vais pas mentir. Et surtout, ça a vraiment été une déception parce que ça aurait été quelque chose que j'aurais voulu aimer. Et au final, ça a vraiment rien pas trop marqué. Donc... Voilà, un peu déçu. Voilà, c'est globalement mon avis sur le film. En fait, j'ai pas grand-chose à dire parce que c'est vide, c'est plat, c'est convenu. C'est typiquement le genre de film, il passe à 17h sur une chaîne du câble. Tu vois, tu regardes ça, tu fais ouais, voilà. Donc, ça va un peu téléfilm de la une. Non, et surtout, le truc, c'est une production Amazon. Et ça fait mal au cœur, quoi. Vraiment, surtout, ça aurait pu être intéressant, tu vois, mais. Disons, en fait, honnêtement, je me dis, c'est même pas assez original pour que je m'y intéresse. C'est même pas assez, on va dire, coquin pour avoir un regard un peu vicieux. Non, c'est juste plat. Quoi. Tu vois ça, tu fais, bon, tu existes, film, c'est bien. Mais ça donne pas envie, quoi. C'est, non, vraiment pas terrible. Tu as fait jouer Callum Turner, bravo, film. Ouais, enfin, Callum Turner, enfin, c'est quand même triste. Ce mec, je sais qu'il existe, je sais qu'il a joué dans les Animaux Fantastiques 3 et je lui en veux pour ça. Il était dans le 2 aussi, je crois d'ailleurs. Mais c'est triste. Il a joué dans Green Room, ah oui, de Jérémy Saulnier, oui, c'est vrai qu'il a joué dedans. Mais ouais, non, vraiment, ce type, pourquoi pas. Je sais qu'il supporte le football club de Chelsea, si tu veux savoir. Waouh! Mais voilà, je trouve qu'il a pas de charisme, son personnage m'y intéresse pas. Non, en fait, The Only Living Boy in New York, c'est pas nul, donc ça a quelques qualités. Mais moi, j'ai vraiment passé un très très long moment devant. C'était trop long pour moi. Et même le plaisir de voir Kate Beckinsale, ça m'a pas, ouais, ça m'a pas parlé. On a vu Jeff, quoi. Voilà, donc c'est un peu triste, on va dire, un peu triste. Mais donc, alors, et sur la musique, parce que, quitte à faire de la merde, autant le faire jusqu'au bout, le seul thème que j'ai retenu, c'est, alors attention, « The poems written in lifelines are not guaranteed ». Mais c'est nul, hein. C'est vraiment c'est très plat, parce que le thème est un peu sympa, parce que il a un côté un peu joyeux, entre guillemets, mais c'est quelque chose, enfin vraiment la BO est très très nulle, enfin, non vraiment c'est plat, et je comprends pas que Amazon Studio ait pu faire ça, en fait. Parce que disons qu'ils font quand même, ils ont quand même des trucs cool, genre ils ont fait The Boys, qui est quand même vachement bien. Ah oui, et Ouais, ça, les Amazon Originals, c'est quelque chose que, enfin, qui est quand même, en tout cas, en plus haute estime que les Netflix Originals pour moi. Mais là, c'est. Waouh! Enfin, comme je dis, je l'ai fini en 3 jours. C'était vraiment. Compliqué. Voilà, je te laisse éventuellement parler de ta scène préférée, parce que moi, ma scène préférée, c'est littéralement 3 frames. Hein. Non, moi, j'ai aimé le discours au. C'est un mariage. Bon, on va dire que c'est un mariage. Le discours du gars au mariage en parallèle de ce qui se passe et des relations entre les personnages. Genre, je trouvais la scène sympa. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais je trouve que c'était bien monté, on va dire, parce que Mark Webb arrive à quand même faire du montage correct sur ce film. Et voilà. Bah, c'est tout. Bah écoute, au moins c'est clair, parce que moi, ma scène préférée, c'est littéralement l'intro, tu sais, en dessin. Donc, genre, moi, je vois l'intro, je me dis, ah, oh, cool! Ça va être comme dans 500 jours ensemble, on est parti, tu sais, on était sur des rails, j'étais content. Et en fait, putain, mais la douche froide que je me suis pris, non, c'était vraiment, vraiment pas terrible. Pour qu'on en termine rapidement, est-ce que tu veux nous parler de la VF rapidement? Notamment la VF de Beckinsale, je suis curieux. Eh bien alors, c'est particulier la VF, parce que sur Pierce Brosnan, on a Emmanuel Giacomi, dont on a déjà parlé dans sa voix habituelle, ou Denzel Washington, Forest Whitaker, etc., etc. Pour le reste, comme j'ai dit au début, le film est sorti directement en DVD en France. Donc il était doublé par la Belgique. C'est une. Donc. le studio de doublage, c'est les Dubbing Brothers, donc, qui font pas mal de. C'est un studio de doublage qui font vraiment beaucoup, beaucoup de films. Donc, je te donne un exemple au pif, les Fight Club, c'est les Dubbing Brothers. Sauf que là, c'est les Dubbing Brothers Belgique. Donc, c'est des voix, en fait, c'est des doubleurs belges. Alors, ils sont très bons, je ne dis pas le contraire. Ce n'est pas parce que c'est belge que ce n'est pas bon. Mais pour le coup, en fait, je ne vais pas te les citer parce qu'on ne les connaît pas. Enfin, tu as Robert Guillemard qui a fait, qui a commencé quand même en France. Et il a fait Val Kilmer dans Batman. C'est lui. Il est sur Jeff Bridges. Mais après, il est reparti en Belgique. Et en fait, ça ne sert pas à grand-chose que je donne des noms d'exemples parce que c'est des doubleurs belges. Et du coup, ça va différencier des doubleurs français qu'on a sur possiblement les mêmes personnages. Voilà. Donc la VF, la VFB, comme ça s'appelle. Sauf okay. Emmanuel Giacomi. Je ne sais pas pourquoi. Alors, et donc, maintenant qu'on a terminé, si je te demande maintenant, après tout. Après tout ça, qu'est-ce que toi, Mark Webb, finalement, après avoir vu donc tous ces films, y compris le dernier, qu'est-ce que tu en retires? Quel a été ton ressenti global après tout ça? Mais j'ai deux points qui ressortent principalement. C'est la première, c'est les personnages, les relations des personnages. Même dans un blockbuster comme Spider-Man, il arrive vraiment à filmer ses personnages entre eux et à créer des relations entre les personnages du film et le spectateur. C'est quelque chose qu'il a l'air de faire assez facilement. Et que vous voyez déjà depuis ses clips. Et tout le monde n'arrive pas à le faire, ça fait vraiment plaisir. Et le deuxième truc, c'est que je trouve, je l'ai dit plusieurs fois, mais il sait monter un film, il sait le filmer. Et ça se voit, ses films sont fluides, ses films sont clairs. Et même le dernier, tous. Les Amazing Spider-Man, qui est un gros blockbuster, les scènes d'action, elles sont lisibles. On peut prendre 500 jours ensemble, qui est une comédie romantique. Et les scènes, elles sont claires. Il y a des idées de mise en scène, tout ça. Et non, dans l'ensemble, c'est vraiment un réalisateur qui sait filmer, pour le coup. Et même si ses films sont mauvais, sont moins bien comme Liaison New York, ça reste quand même regardable. C'est pas... Beaucoup moins bien. Beaucoup moins bien. C'est pas comme la Expendables 3 ou les Taken, où là, pour le coup, c'est atroce à regarder, quoi. Non, ça reste quand même quelque chose de bien filmé. Voire très bien filmé dans certains films, et ça fait plaisir. Moi, pour le coup, j'avoue que je suis un petit peu moins. J'en sens un petit peu moins que toi, c'est-à-dire que je vois des vraies qualités, notamment, tu as dit, sur la réalisation. Et c'est quelque chose d'assez clair là-dessus. C'est quelqu'un qui a des idées. À la base, c'est un clipper, ça se voit vraiment beaucoup. Pour moi, son film, en tout cas, ce que je vois être comme son film le plus personnel, c'est 500 jours ensemble. Je trouve qu'il y a la façon dont il en parle, est-ce que c'est, comment dire, la façon dont il en parle, et surtout ce que je suppose être son film le plus personnel, c'est notamment avec son passé de clipper, entre autres, et le sujet abordé, C'est vraiment assez visible. Après, est-ce qu'il écrit, étant donné qu'il participe pas à ses scénarios, je dirais plus que c'est quelqu'un qui sait filmer des relations. C'est ce que j'ai envie de dire. Et qui arrive à avoir des idées qui peuvent marcher, qui fonctionnent pas toutes. Et je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément une voix suffisamment forte pour s'imposer face au studio. On pense évidemment à The Amazing Spider-Man 2 qui avait eu des réécritures, qui s'était un peu cassé la gueule. Mais je trouve ça, on va dire, attachant. On va dire. Et notamment, j'en parle rapidement, mais son prochain projet, donc Blanche-Neige, là par contre pour moi ça pue, mais comme c'est pas permis. C'est-à-dire c'est sa sortie prévue pour 2023. Donc c'est un remake du classique de Disney, donc Blanche-Neige. Au scénario, là-bas, c'est un truc écrit par Greta Gerwig, qui est la réalisatrice aujourd'hui connue pour Lady Bird ou Les Filles du Docteur March. Un remake de Blanche-Neige et les Sept Nains, mais sans les nains. Attends, justement, c'est ça. Au casting, on a Rachel Zegler en Blanche-Neige, qu'on avait vu dans West Side Story et qu'on va voir dans Shazam 2, quel plaisir. Et Gal Gadot en méchante reine, ça je suis content. Mais oui, en fait, Peter Dinklage, donc l'acteur de, je crois que c'est Tyrion Lannister dans Game of Thrones, ça fait longtemps que j'ai plus vu Game of Thrones, a dit ouais que c'est pas normal de mettre des nains dans un film qui s'appelle Blanche-Neige et les Sept Nains. Et du coup, Disney a dit qu'ils allaient mettre, je cite, des créatures magiques. Voilà. Alors maintenant, ça me permet de raconter une anecdote un peu marrante. J'ai eu la chance, il y a de cela quelques mois maintenant, de participer à une intégrale du Seigneur des Anneaux au Grand Rex. C'était complètement dingue, c'était vraiment super. Et pour le coup, le running gag, c'était que personne ne devait dire elfe, nain ou autre. Tout le monde devait dire créature magique. Et donc voilà, et c'était super drôle. Et moi, comme j'étais très grand et que j'ai les cheveux longs, beaucoup de gens m'ont appelé penser genre que j'étais cosplayé en hobbit, enfin pas hobbit pardon, en elfe. Et du coup, je me suis fait appeler créature magique pendant toute la journée. Voilà, c'était de te voir dans Blanche-Neige. Ah mais c'était assez rigolo. Hein. Mais là où c'était vraiment, là où je trouve ça un peu triste quand même, c'est, enfin donc c'est... après bon, c'est des points de vue qui se défendent, pourquoi pas. Mais bon bref, est-ce que c'est vraiment. Moi, je trouve ça un peu dommage. Voilà, c'est juste ça. À la musique aussi, on aura Bench Pasek et Justin Paul qui étaient déjà à l'œuvre sur Aladdin, le remake, qui était absolument infâme. Enfin, un jour, on en reparlera. Non, mais attends. Il est mauvais, je veux dire. Tu peux pas... Oui, mais. Il y a un mais. On en parlera. Non, mais bref, moi, j'avais trouvé... Enfin, de toute façon, les remakes Disney, de façon générale, je trouve ça globalement... souvent imbitable, c'est-à-dire que pour moi, c'est pas utile. Et donc en fait, c'est Mark Webb, c'est quelqu'un que je trouve quand même intéressant et qui a quand même du potentiel. Je dirais que ses films, je vais rarement passer des mauvais moments non plus, j'irais pas exagérer, sauf devant Liaison New York. Mais je lui vois une vraie personnalité sur 500 jours ensemble, qui est en lien avec ses clips, mais depuis 500 jours ensemble, depuis qu'il s'est globalement fait bouffer par le studio avec Spider-Man, je vois moins sa patte. C'est-à-dire que Murray, ça aurait pu être lui ou quelqu'un d'autre, ça m'aurait pas, j'aurais pas vu la différence, je pense. Tu vois, Murray, ça aurait été fait par Tom Hooper qui a fait le discours d'un roi, j'aurais pas été surpris, tu vois. Ça aurait été. Après, ça aurait quand même été moins désagréable que Tom Hooper qui est, je vois pas forcément de grosse personnalité dans Mary, on va dire ça comme ça. Bah moi je trouve que ça, ces relations entre personnages quoi, c'est vraiment sa marque de fabrique. Oui, c'est quelque chose de bien fait, mais est-ce que c'est quelque chose, on va dire, de typique, tu vois? C'est parce qu'à la limite des relations comme ça, on peut en trouver d'autres chez d'autres réalisateurs. Tu vois, je pense à quelqu'un comme Linklater. Bon, qui est évidemment, on va dire, plus quand même qui est quand même d'une autre trempe, on va dire. Hein, mais tu vois, tu as des relations comme ça, ou même, tu vois, si on va dans des films plus années 90, tu prends des personnages comme Larry Clark, qui parle d'une adolescence ou de jeunesse, tu as aussi des relations qui sont quand même vraiment bien écrites entre chaque personnage, tu vois. C'est ça que c'est ça que j'ai du mal, on va dire, à lui dire, c'est du pur Mark Webb, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, je pense qu'il a autant sur Vogue, on voyait ce côté comic book très, tu sais, genre, quand tu prends un film, ça, des films un peu pastilles, tu vois, où tu regardes ça, tu passes un bon moment. Je pouvais lui admettre vraiment une personnalité, en tout cas, vraiment filmique. Là, j'avoue que j'ai un peu de mal à voir. Après, ça reste, du coup, quelqu'un que j'ai quand même pris du plaisir à suivre et où j'espère qu'il arrivera quand même à faire quelque chose sur Blanche-Neige, parce que bon, les effets spéciaux, pour le coup, c'est toujours nickel. Bon, peut-être que les effets spéciaux seront cool. Mais donc, voilà. Et maintenant qu'on arrive à la fin, si on te demande de classer les films. Pour voir, sans surprise, Légion New York en dernier. Ça, de son... voilà. Sans trop de surprise du tout. Hein. C'est vraiment sans saveur, ce truc. Insipide, fade, sans saveur. C'est vraiment pas terrible. Voilà. Après, je me dis, Amazing Spider-Man 1, mais de loin. Enfin, les 4 d'après, ils sont assez près, alors que les Légion de New York est vraiment en dessous. Je me dis, Amazing Spider-Man 1, 500 jours ensemble, c'est Amazing Spider-Man 2 et Marie. Mais c'est, tu me dis, Amazing Spider-Man 2 au-dessus de 500 jours ensemble? C'est sûr, mais tu en fait. Tu brises nos cœurs. Tu vois, t'as Légion de New York qui est loin, Amazing Spider-Man qui est bien au-dessus, et après, le trio tête est vraiment, par contre, très serré. Ça se trouve avec le temps. Ce 5 jours ensemble, c'est vraiment parmi ces trois-là, c'est le seul que j'ai découvert récemment. Peut-être qu'en le revoyant plus tard ou tout ça, il pourrait changer de place, tu vois. C'est vraiment j'aime beaucoup les trois films. Oui, le troisième, okay. Mais c'est un bon troisième, quoi. Ouais, ça, c'est une médaille de bronze un peu argentée, quoi. Voilà, c'est ça. Moi, je dirais que, alors ouais, Liaison à New York, mais tout en bas, vraiment. Pour le coup, hein, j'ai trouvé ça tellement fade, quoi. C'est... Après, je pense que le Blanche-Neige sera en dessous, hein, parce que, enfin... Tu sais quoi, on va jouer un jeu rapidement. Est-ce qu'on peut donner un seul remake de Disney qui est bien? Oui. Voilà. Moi, je peux. Oui. Je peux en donner. Lequel? Alice Cosmic. Non. Ah, si. Moi, j'aime bien. Aladdin, non, en vrai, c'est quoi, non? Ouais, je dirais le Cruella. Moi, j'avoue que j'aime bien le Cruella, mais c'est parce que c'est Emma Stone, donc... Mais... pur et dur non plus. Mais non, ouais, mais donc voilà, c'est enfin ouais, moi j'avoue que j'ai beaucoup de mal avec les remakes Disney, donc non, j'ai assez peur. De toute façon, on en parlera, hein. On fera les vidéos pour rattraper tout ce que les résultats auront sorti. Je pas pense qu'on aura, et je viens de voir en revanche que Mark Webb avait aussi participé à un épisode de The Office. Oh. Et ben voilà, c'est alors le 16e épisode de la 6e saison, si tu veux savoir. Voilà, il a réalisé cet épisode. Et moi, alors, du coup, mes liaisons à New York, vraiment en bas. Ensuite, au-dessus, je mets The Amazing Spider-Man 1, comme toi. Après, je mets Marie, Spider-Man 2 et 500 jours ensemble. Bah, en vrai, on n'est pas loin, on inverse juste nos deux films préférés, quoi, c'est tout. Alors, toi, t'as mis The Amazing Spider-Man 2 au-dessus de Marie? Non, moi, j'ai Marie, Spider-Man 2 et 500 jours ensemble. Toi, t'inverses Marie et 500 jours ensemble. C'est vrai. Parce que pour le coup, je trouvais que 500 jours ensemble... Enfin, après, 500 jours ensemble, c'est vraiment un film qui m'a parlé, qui a vraiment résonné en moi. Mais voilà, c'est ça. Et Marie, j'aurais aimé péter un câble, mais il était trop sur des rails pour moi. Trop sur des rails et trop... trop, genre, pas pompeux, mais... technique quand même, et c'est tout ce qui me compte pour moi. Oui, mais ça, j'ai regardé, j'ai pas passé un mauvais moment, et avant il y avait Chris Evans, il y avait des très bons acteurs, mais c'est trop sur des rails, c'est vraiment ça. Mais donc voilà, on a terminé pour l'émission du jour. Bah, nouveau toujours, merci beaucoup de m'avoir fait découvrir Marie, hein. J'étais content de le découvrir, c'est quand même pas mal de temps que tu m'en parlais. Ça c'est clair. Donc j'étais content de enfin prendre le temps de le voir. Et donc, alors, on rappelle que dans deux semaines, on parlera donc du MCU, on fera la première partie de la troisième phase. Donc, il s'étalera, alors, j'ai plus la durée en tête, mais qui, en gros, traitera les premiers films jusqu'à Infinity War. Il me semble qu'on s'arrête à Infinity War. Juste avant. Ouais, ça, juste avant Infinity War. Donc ça va être plutôt chouette, on va dire le début de la chute. Est-ce qu'on peut donner le nom à cet épisode, le début de la chute? On parlera de Spider-Man. Est-ce que c'est dans celui-là qu'on parle de Spider-Man? Alors, laisse-moi juste vérifier. Tac, tac, tac, je regarde juste ça. Je regarde. J'avoue que j'avais pas pensé à préparer des films. Voilà. Alors, on traitera donc de Captain America 3, Aïe, Doctor Strange, mais Gardien 2, ça c'est cool, Spider-Man, Aïe, ah là là. Thor Ragnarok, que j'ai très peur de revoir, Black Panther, que j'ai aussi encore plus peur de revoir, je crois. On s'arrêtera là. Voilà. Et après, on aura donc Avengers Infinity War, Ant-Man 2, qui est un chef-d'œuvre, Captain Marvel, Avengers Endgame et Spider-Man Far From Home. Marie, c'est sur des rails, mais il est fan de Ant-Man 2. J'y crois. Touche pas à Ant-Man 2. Il y a une putain de course de Hot Wheels. Il te faut quoi de plus? En fait, t'es un haineux. Ouais, c'est mon cœur qui est inexistant. Mon cœur de haine. Pour faire, pour prévoir quelque chose d'un peu plus. Surprenant, on va dire. Est-ce que tu veux déjà dire le nom du réalisateur qu'on va donc traiter dans deux émissions? Un réalisateur plus sombre, on va dire. Et ça sera de, si je ne me trompe pas, de Vincenzo Natali. Exact, qui est un réel que j'ai poussé pour faire. Poussé, j'ai dit oui direct. Hein. Oui, mais que c'est qui est parmi les premiers que j'avais proposé. C'est vrai. Mais ça me dérange moins que d'autres, quoi. Bah alors, donc Vincenzo Natali, donc c'est le réalisateur de du culte Cube en 97. Alors qui n'a pas réalisé ses deux suites. On parlera des deux suites, hein, mais ça va être compliqué quand même. Il a réalisé Cypher en 2002. Alors, j'avoue que Cypher, j'ai très très hâte d'avoir ton avis dessus. Parce que en fait, c'est simple. Tu vois la hard SF? Ouais, bah, tu m'as déjà parlé maintes fois. Mélange un peu la hard SF avec James Bond. C'est un peu comme père. Ouais, voilà, ça, tu verras. Je pense que ça a très mal vieilli, mais on verra ça. Il a également réalisé Nothing, que je n'ai jamais vu pour le coup, qui est décrit comme, accroche-toi bien, une comédie philosophico-dramatique. Non, c'est ça. Bon, après, ça va. Je veux dire, Nothing, il fait 1h30, donc tu vois, ça va. Après, il a fait Splice en 2009, qui est un film alors, que je n'ai jamais vu aussi, dont j'en attends vraiment beaucoup. Pour le coup, ça va être pas mal de découvertes. Il aura également réalisé Hunter en 2013, qui est un film d'horreur que je n'ai jamais vu. Et il a également enfin réalisé Dans les hautes herbes, qui est un film Netflix. Je ne sais pas si tu l'as vu passer. Si, mais de adapté de King, non? Ouais, une adaptée de Stephen King. Alors de Stephen King ou de son fils. Je sais que c'est l'un des deux qui a écrit la nouvelle à la base. J'avoue que j'en attends pas mal de l'épisode sur Nathalie. Il a également participé. Oui. Six films. T'en as vu que deux? J'en ai vu que deux, ouais. D'accord. Trois. Cube, Cypher et Dans les hautes herbes. D'accord. Donc en fait, depuis le début, ouais, on veut ça, mais t'en as vu que trois. Ok. Trois, mais en fait, c'est des films qui me donnent envie. C'est pour ça. Ok. Et il a également participé, je pense qu'on les traitera, à des anthologies. Il a notamment participé à ABC of Death 2. Il a fait la lettre U. Il a participé à Paris, je t'aime. Ça, c'est très, très dur. Il a fait celui de Quartier de la Madeleine. Il a participé donc, à pas mal d'anthologies. Il a fait également beaucoup de télévision, mais ça, on n'en parlera pas. Enfin, en tout cas, il n'a pas créé de série, mais donc voilà, c'est pour ça que j'ai bien hâte de faire cet épisode. Mais avant, on se retrouvera pour l'épisode du MCU. Bah donc merci à toi Melvin pour le Mark Web, hein. Merci encore pour Marie qui était un petit bonbon tranquille. Si je le trouve un jour en Blu-ray à 2 ou 3 euros, je pense que je le toperai sans trop de problème. Donc merci encore à toi et on se retrouve dans 2 semaines. À dans 2 semaines. Salut.